Bonjour tout le monde, mon nom est Patrick Archambault, animateur du podcast LPSN. Cette émission est l'édition du 17 décembre 2011, où nous avions l'honneur de recevoir Steve Lévesque du podcast Le Weekend des Gamers et du site internet Factor Geek. Nous avons pris le temps de discuter de notre palmarès et de nos coups de cœur pour l'année 2011 dans le domaine des jeux vidéo, du cinéma et de la musique. Ceci est une version courte de l'émission. Vous avez toujours la possibilité de trouver la version longue sur le blog de LPSN sur Tumblr, où nous discutions en premier lieu du congédiement de Jacques Martin. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin du podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue au premier podcast pilote officiel de LPSN. Mon nom est Patrick Archambault, je suis avec... Dilex89, Alexandre Armand, salut tout le monde. C'est Fred sur Twitter, Frédéric Desmanches avec vous aujourd'hui. Fred Lalonde sur Twitter, Frédéric Lalonde, et je suis avec vous ce soir et le reste de la gang, et ça va être magnifique. Et on a un invité spécial aujourd'hui qui est... Steve Lévesque, Camelot78 sur Twitter. Bonjour tout le monde. Ben bonsoir alors qu'il est là. Bonsoir. T'es trop habitué de faire ton podcast le jour, c'est pour ça, Steve. Ouais, c'est ça. Ça fait une couple de semaines qu'on le fait le samedi matin. Là. Steve, qui est l'animateur du Weekend des Gamers. Alors, bienvenue tout le monde. Premier podcast pilote officiel pour l'équipe. On fait les tests finaux pour l'arrivée du podcast officiel en mois de janvier. Chaque date, ça a bien été pour tout le monde. On a eu Linbou mardi, on a Steve aujourd'hui. C'est bien parti pour juste des pilotes. J'espère que ça va... Aujourd'hui, comme j'ai signalé plus tôt toute la semaine sur Twitter, sur Facebook, on va parler des palmarès, les meilleurs jeux, les meilleurs films, les meilleurs CD de musique pour tout le monde. Avant de commencer, je vais juste faire un petit tour de Skype, savoir ce que vous avez fait pendant la semaine. Alors, on va commencer par Fred L. Oui, c'est ça, comme vous savez, cette semaine... Ben, en tout cas, ceux qui l'ont précommandé, il y avait l'accent anticipé de Star Wars Old Republic qui commençait, BioWare commençait à envoyer des courriels pour l'accent anticipé de 13. Moi, j'ai reçu le mien le 15, qui était au début, il était censé juste avoir 5 jours d'accent anticipé. Finalement, ils en ont donné 7. Puis, j'étais bien content parce que de la manière que ça marchait, les accents anticipés, c'est plus tu devais précommander tôt, plus tu allais jouer tôt dans les accents anticipés. Puis moi, je doutais vraiment que j'allais commencer tôt parce que j'ai comme commandé le 30 novembre. Puis j'ai entré mon code de précommande le 1er décembre. Puis je me suis dit, oublie ça. Si je reçois un code, ça va pas pour être joué avant le 18 ou le 19 parce que le jeu sort le 20 officiellement. Ben non, j'ai reçu le 15. Fait que ouais, depuis jeudi après-midi, je m'amuse bien gros sur ce jeu-là. Puis ça va être mal fun pendant mes vacances de CGF. Alex? Eh bien, moi, ça avait été justement vendredi dernier, pendant la nuit, il y a eu le lancement des jeux ambassadeurs pour Nintendo 3DS. Ceux qui avaient enregistré leur console avant le 12 août, soit la baisse de prix de 2,59 à 169, ou pour ceux qui l'avaient acheté pendant que c'était la baisse de prix est déjà appliquée, mon cas, ils pouvaient aller chercher des jeux de Nintendo dès le 1er septembre. Et là, il y a eu les jeux Game Boy Advance qui incluent Metroid Fusion, Mario Kart Super Circuit, il y a aussi The Legend of Zelda, Minish Cap, Wario Land 4, il y a même Yoshi Island version Super Mario Advance 3. Donc, beaucoup de bons choix, sérieusement. Donc, pour ceux qui ont encore leur 3DS, là, allez chercher ces jeux-là. Vous allez en avoir parce que Metroid Fusion, c'est quand même de beaucoup d'heures de jeu. Même chose pour Minish Cap. Bref, là, il y en a pour tous les goûts. Fred D. Ben écoute, grosse semaine, moi j'ai mis beaucoup, beaucoup, trop même d'heures sur Skyrim. J'en reviens pas comment ce jeu-là est bon. J'en reviens juste pas comment ce jeu-là est bon. Le monde ouvert, vivant, les gens se rappellent de toi quand tu leur parles. Tu fais juste mettre tes écouteurs, tu t'abandonnes là-dedans et puis let's go, tu pars pour une grosse aventure vraiment, vraiment intéressante. Tu savais qu'il y avait un générateur de kite? Ah, absolument, mais tu sais, moi, quand un gars me dit « va me chercher tel ingrédient », puis là, je reviens, puis il me dit « va me chercher d'autres ingrédients », je trouve ça tellement original que ça me dérange pas de continuer à en faire. Et de ton côté, Steve? D'accord. Cette semaine, ben écoute, je pense que tout le monde le sait, que ce soit sur le chat, sur Twitter, peu importe, on travaille beaucoup sur notre nouveau titre qui s'en vient. Ça laisse sur Factor Geek. Ça laisse beaucoup de temps, en fait, pas beaucoup de temps pour le reste. Mais du côté jeux vidéo, moi, j'ai acheté Limbo hier, puis je l'ai terminé en 4 heures. Limbo? Oui. C'est quoi, c'est Limbo qui a fait un jeu? Non, Limbo. Limbo. L-I-M-B-O. L-I-N? M-B-O. Tu sais, comme du Limbo. Ouais. C'est en noir et blanc. OK. Ça vaut, écoute, ça vaut vraiment la peine. La facture visuelle est impressionnante. Ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est sûr que bon, c'est un jeu d'une compagnie indépendante. C'est un jeu au départ qui était contenu téléchargeable sur le Xbox Live. Il est sorti aussi sur Steam. Moi, je l'ai acheté okay. Sur Steam. Je vois les images. Il est en spécial, puis il y a quelques... C'est un jeu de puzzle, dans le fond. Tu sais, c'est entre le plateforme puis le puzzle. Puis il y en a quelques-uns qu'ils m'ont fait chercher. Ah, ils sont clever, les puzzles. D'un fois, tu vas faire la moitié d'un level, il va arriver quelque chose, mais tu as oublié d'aller prendre l'objet ou couper la corde à peu près dans le milieu. Fait qu'il faut que tu retournes complètement en arrière. Ils ont vraiment bien fait ça pour que tu cherches, là. Oui, ça, ou quand tu viens zombie, là, quand t'as un petit verre qui te pogne la tête. Là. Ah, tu vois, je me suis pas rendu là. Ah, bon. Ben, c'est sûr que moi, j'ai fini le jeu, mais il y a des fois que c'est ça, t'as un petit verre qui te colle à la tête, puis là, il prend contrôle de ton corps. Puis là, c'est d'un côté ou de l'autre, tout dépendant. Là. Ça aussi, il faut que tu. Faut que tu ailles faire des fois des parties avant de te faire prendre par le verre, sinon tu seras pas capable de faire le niveau. Hein. Oh boy. Je me souviens que j'avais eu de la misère juste à faire la démo à cause du nickname. Fait que s'il fallait que je m'achète un jeu complet, j'imagine pas. Moi, je suis surpris des jeux indépendants. Il y en a de plus en plus des bons. T'as Minecraft. Là, t'as Limbo qui a l'air quand même intéressant. T'as, bien entendu, Plants vs. Zombies. Non, c'est vrai, Plants vs. Zombies, c'est un IA, fait que ça compte pas. T'as Angry Bird. Sérieusement, les jeux indépendants, ça commence à monter de plus en plus. Je sais pas si c'est moi, ça. Là. Minecraft. Il y en a beaucoup. Il y avait aussi, il y avait eu quelques années World of Goo qui était disponible sur WiiWare. Je pense que ça a vraiment lancé ça. Là. Oui, je l'ai acheté aussi sur WiiWare, oui. Mais sinon, en parlant de jeux indépendants, est-ce qu'il y en a qui ont joué à Super Meat Boy? Super? Oui. Je pense que j'ai vraiment pas entendu parler de ça, personnellement. Non. Faut regarder ça. Super Meat Boy, t'as un petit morceau de viande, là. Faut que tu fasses des genres de puzzles extrêmement difficiles. Si vous tenez à vos manettes, achetez-en une d'extra, parce qu'elle va se ramasser dans le monde. Ben c'est ça, c'est un peu comme un Super Mario, mais hardcore. Un genre de Super Mario Lost Level, mais encore plus hardcore, peut-être, dans ce cas-là, là. Parce que Lost Level, là, c'était quand même assez tough. dis-toi que c'est Dark Souls des platformers. Mais j'ai pas joué à Dark Souls, ouais. Ok. Parce que tu peux aller dans deux mondes, t'as un monde ordinaire, mais chaque tableau a aussi son alter ego dark, si tu veux, et ça rend le tableau deux fois plus difficile. Ce tableau-là était déjà deux fois plus difficile que les autres avant. Fait que, tu rushes. Ben, je vais vous envoyer le lien sur YouTube pour ceux qui nous écoutent, ceux qui n'ont vraiment pas entendu parler de Super Meat Boy. Là, c'est... Je l'ai déjà fait. Ok. Non, mais c'est parce que c'est un lien... un lien YouTube que tu as posté, mais j'ai le lien du blog permitboy.com. Vous irez voir ça. Tu vois, moi, j'ai Max Tremblay de l'Épée légendaire qui a un commentaire sur Justin.tv qui dit « On s'intéresse aux jeux indie à cause des majors comme EA qui nous prennent pour des cruches. » Ouais. Ah, ça, c'est sûr, c'est certain. Ah, mais ça se peut aussi qu'il serait temps que EA et Ubisoft laissent la place à. Bah, peut-être pas Ubisoft, ils ont plusieurs bons jeux, mais des gros comme EA qui laissent un petit peu plus la place aux petits là, pour émerger. Ça fait quand même longtemps qu'ils sont là, EA. Là, qu'ils règnent sur le marché. Monde, fait que... ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Au début, ça allait bien. Je m'en souviens, j'ai connu EA par la franchise de Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux, puis aussi les jeux de sport comme NHL, mais. Plus ça va, pire c'est. Je m'en souviens, j'avais aussi joué à Need for Speed, mais là, c'est bien Need for Speed, je trouve que c'est pire en pire. Mon frère, il avait aimé The Run, le dernier Need for Speed, mais pourtant, les critiques sont pas convaincantes, mais lui, il a aimé ça. Fait que, les choix sont vraiment différents selon les joueurs. Moi, j'avais découvert EA avec un vieux jeu de golf à l'époque de mon vieux 256K qui fut mon premier ordinateur. Un jeu de golf, je vous jure, quatre couleurs, vert, rose, ben vert, magenta, cyan pis noir. Je vous jure, c'était comme vraiment basic et moi j'ai découvert EA comme ça. Ça, c'était dans le temps qu'on appelait ça vraiment Electronic Arts. On donnait pas le surnom là. Mais on disait tout le temps le nom complet là, Electronic Arts, simplement. Lynn, elle a dit c'est NHL, ça c'était comme pas surprise. Pas surprenant pantoute de la part de Lynn, ça c'est certain. Bon, ouais. Êtes-vous prête pour commencer les palmarès? Par quoi vous seriez plus à l'aise? On commence-tu par les jeux, la musique ou le cinéma? Bon, on était avec EA, on jasait d'EA, je pense que ce serait une belle continuité qu'on continue avec les jeux. Bon, on continue avec les jeux. Là, je vous dis tout de suite, on y va. Je vais nommer des noms de jeux. Vous le dites, vous dites ce que vous en avez pensé. Pas de palmarès, pas de top, rien. Je vous parle des jeux qui ont sorti pendant l'année. Puis on va y aller avec ça. C'est bon pour tout le monde? All right. Oui, c'est bon. OK, première partie. On va parler des jeux en général en première partie. Après ça, on parlera des jeux exclusifs. Skyrim. Ah, oh, Skyrim. Je t'aime. c'est Skyrim. J'ai adoré Skyrim parce qu'ils ont vraiment tout amélioré, ce qu'ils ont mal fait dans Oblivion. On dirait que c'est plus juste plus intéressant à jouer avec les graphiques. Ça donne un univers plus vivant, plus réel, plus vrai avec les animaux qui se prennent partout, les lapins. Il y a même des libellules sur le top de l'eau. C'est vraiment bien fait, vraiment beau. Ce qui me déçoit un petit peu, là, je sais pas pour vous autres, mais c'est les combats. J'ai l'impression que c'est encore un petit peu... c'est encore ordinaire, là. Ben moi, c'est pas tant les combats qui m'ont déçu, c'est plus les combats avec les dragons. Je m'attendais vraiment à quoi d'épique, puis t'arrives avec un combat de camping ou c'est que tu fais, t'as pris dans 4 pièces avec ton marque à flèche, tu sais, une coupe de shot, t'entends qu'il se pose la tête, tu le finis avec ton épée, puis ça prend 2 minutes, puis il est mort, tu sais. C'est moins épique que qu'est-ce que j'imaginais en attendant le jeu. C'est clair, mais à quelle difficulté tu joues? Parce que si tu me dis que tu joues en adepte, là, je peux comprendre qu'ils prennent 35 secondes tes combats avec les dragons, mais mets-toi en master, tu vas voir que ça rajoute quelque chose de complètement différent là, au jeu. J'ai déjà la misère des fois avec des epic boss dans Skyrim, fait que j'imagine pas me mettre en master. Ah, effectivement. Mais je joue en normal, je me trompe pas. Mais tu sais, tu parlais des erreurs qu'ils ont corrigées comparé à Oblivion. Une des affaires qui était bien hot dans Skyrim, c'est le fait que les bébites, ils évoluent pas au même niveau que toi. Je veux dire, dans Oblivion, tu te battais contre un rat au début qui était level 1, mais t'en revenais plus tard avec ton bonhomme level 40, puis le rat, il était level 40, fait qu'il te faisait toujours aussi mal qu'au début. Voilà. Dans Skyrim, c'est pas tout pareil. Là. Non, c'est ça. Moins d'ennemis aussi quand tu te promènes dans la végétation, ce que j'aime. Là. À un moment donné, les loups, c'est le fun, mais quand tu te fais attaquer 12 fois, quand tu fais juste changer de ville. Moi, j'ai juste eu la chance de jouer comme quelques heures, le temps de créer mon personnage, qui m'a pris comme une éternité. J'ai pas pu continuer. J'attends le temps des fêtes pour continuer. J'espère juste que je vais avoir assez d'une semaine pour avoir le goût d'avancer plus loin, là. Ah, j'entends tout le monde parler, puis c'est comme, mon Dieu, pourtant, c'est pas un MMORPG, là, c'est un RPG tout à fait normal. Là, t'es là, comment ils vont faire pour faire des DLC? Parce que c'est la mode des DLC, là. Il va-tu avoir des DLC là-dedans, là? Sûrement une armure de fer. Il y a Frankie 7 qui compare les loups à des obates dans Pokémon. Ah, oh, ouais. Merci, Frank, de ton point, ça, j'apprécie beaucoup. Mais personnellement, moi, j'avais joué 3 heures, puis personnellement, je fais bien, c'est bien assez, je n'en dirai pas plus. Sérieusement, là, j'accroche pas au style, beaucoup de style RPG, avec une histoire, personnellement, qui ne finit pas. C'est long de créer son personnage. Moi, j'aime toujours un personnage vraiment bien établi. Si je peux me contredire de temps en temps, mais Skyrim, l'univers Elder Scrolls, c'est mon premier Elder Scrolls que je joue, puis mon frère, lui, il a accroché, je peux parler pour lui. Ça fait, je pense que je joue à peu près un bon 50-60 heures, facile, mais il travaille en même temps, c'est sûr, puis il a ses amis, mais personnellement, moi, j'accroche pas. Donc, voilà, donc personnellement, moi, j'étais déçu. Steve? Moi, je pense que c'est sûr que ça dépend des styles, là, mais d'après moi, ça serait Batman Arkham City. Batman, moi, j'ai adoré. Sérieusement, là, les quêtes du Riddler. Catwoman, j'ai un peu détesté. J'avais de la difficulté à la manipuler. Je sais pas si c'est moi, mais on dirait qu'elle bougeait pas. Elle restait sur place, elle bougeait de gauche à droite, bougeait pas en avant, pas en arrière. J'ai de la difficulté à contrôler Catwoman. Mais pour Batman, ça allait super bien. Les histoires sont bonnes. Le graphisme, wow! Catwoman, ça n'a pas de bon sens. Mais pour revenir justement sur Catwoman, je dois avouer que c'est long à démarrer Catwoman, mais c'est sûr que quand tu as les upgrades, le Catwoman, là, tu démarres le free flow, puis que là, tu as le bonus de rapidité qui embarque. Catwoman, là, est rapide au bout, il va être les c'est boutons, ça va bien. J'ai adoré le jeu, je pourrais en parler. J'ai fait de la critique justement sur Réseau Gamer, puis j'avais quand même donné une très belle note à comme c'est dit. Ce qui m'avait vraiment agacé, c'était le chargement quand on mourait. Mais c'est sûr que c'était normal. Le jeu était très gros. Il y a aussi l'augmented reality training quand tu faisais tes tests pour voler, pour planer dans Gotham. Ça, ben, Arkham City, ça avait vraiment été gossant. Mais tout ça, tous ces petits détails-là, là, à part les petits rendus qui sont un petit peu longs, je trouve que le jeu est vraiment magnifique dans son ensemble. L'action, le graphisme, le son, le voice acting, le Mark Hamill et Kevin Conroy font vraiment un travail exceptionnel. Là. Joker, personnage de l'année au Video Gaming Award. Oui, qui a présenté en fake, naturellement, un script de Arkham Horror, mais justement, ils ont défendu comme quoi que c'était des rumeurs. Oups, spoiler! Ouais, on a entendu. Ouais, des rumeurs. Tu sais, si tout le monde se met à s'emballer et à écrire partout, on le veut, Arkham World, je suis pas si sûr que ça va rester des rumeurs longtemps. Oui, vrai. Mais s'il vous plaît, pas toutes les années comme Assassin's Creed, comme Call of c'est Duty. Vrai. S'il vous plaît, là, garde qui continue à prendre leur temps comme qu'ils font en ce moment aux deux, aux trois ans. Il y a développé un jeu de qualité. C'est ça, jeu de meilleure qualité, meilleur graphisme. Qui attendent même les nouvelles consoles, je suis prêt à attendre les nouvelles consoles. S'il faut qu'ils attendent la sortie de la Wii U, au moins il va y avoir le jeu à la date de la sortie, non pas deux ans en retard, là, comme qu'ils veulent le faire. Là. C'est ça, puis ils vont avoir quand même la même qualité, là, qu'ils prennent deux ans ou même quatre ans. Ah, pas plus. Mais ben, 4 ans, je peux dire que ça, c'est l'autre jeu que ça a pris 4 ans, justement, pour Eidos Montréal, Deus Ex. On peut embarquer là-dessus. Deus Ex, là, c'est ma découverte de l'année, sérieusement, Deus Ex Human Revolution. J'embarque pas souvent dans les RPG. Je parlais de Skyrim, je touche pas beaucoup des RPG. Mais ce mélange d'action, infiltration que je retrouvais dans Arkham Asylum, les passages en first person, des fois la discrétion comme dans Metroid, je me reconnaissais dans l'univers de Deus Ex. Là. Je l'ai essayé depuis jeudi, là, puis vraiment, le beau travail de Eidos Montréal, là, je veux vraiment là, donner mon chapeau pour ça. Là. Je leur lève mon chapeau pour Deus Ex, pour vous autres. Puis vous autres? Ben, en fait, moi, je trouve que c'est un excellent jeu, sauf que je sais pas pourquoi, écoute, j'ai pas trippé à ce point-là dessus, peu importe ce que tout le monde me dit, j'ai pas accroché tant que ça, j'ai trouvé ça bon, j'ai trouvé l'histoire bien faite, mais j'ai pas trouvé que ça réinventait tellement la roue, là, personnellement. Ben, ça, je suis d'accord avec toi, Fred D, parce que je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est parce que c'était la même équipe que Splinter Cell. Je trouvais que s'il y avait trop de ressemblance à Splinter Cell, il y avait quelques points là. Je sais que c'est un excellent jeu, je l'avoue, j'ai bien joué puis tout. C'était trop Splinter Cell. Je jouais justement à Splinter Cell, j'avais pas aimé. Ok, je comprenais pas l'anglais avant, mais c'est sûr, là, c'est le jeu, c'est ça. Le graphique, c'est pas révolutionnaire, malgré qu'il y ait un level design quand même intéressant. Mais personnellement, moi, j'accroche quand même à Deus Ex. Je suis pas rendu loin dans l'histoire, mais je sais qu'ils ont choisi certains chemins, ça dépend de nos actions. Mais non, je trouve ça intéressant, mais pour moi, ça reste quand même un autre jeu parmi Arkham City et Skyrim qui ont vraiment marqué l'année. Là, fait que, c'est sûr. Puis Deus Ex, t'es pas obligé non plus de le jouer en stealth. Là, si tu veux c'est rentrer ça. Dans le tas, entre guillemets, il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Hein. Oh, ouais, t'as autant un machine gun comme un stun gun dans le jeu. Là, tu peux vraiment y aller comme tu veux. Tu veux pas, tu veux péter les caméras, tu veux te faire découvrir par tout le monde, ben vas-y mon chum. Tu veux te cacher derrière une boîte, passer par des conduits d'aération, il n'y a pas de problème. Fait que ça, aussi, c'est un bon avantage du jeu à... Si tu le recommences trois fois ou deux ou trois fois ou quatre fois, ben tu ne passeras pas nécessairement par la même place. Puis ça peut t'amener à faire bon, à découvrir un autre jeu finalement. Il y en a-tu qui ont vraiment essayé le jeu sans tuer personne? C'est difficile au bout. Là. Je montais ça justement à Fred D là, par rapport à Deus Ex. Puis j'ai passé 3-4 zones sans tuer une seule personne. Puis j'ai vraiment sneaké là, pour. Essayer de passer d'un compte d'aération si c'était possible. Là. C'est quand même là, c'est un bon challenge. J'ai pas encore essayé l'autre niveau de difficulté, mais c'est intense. Là. C'est vraiment intense le Deus Ex. Je me rappelle. C'est ce que j'essaie de faire moi aussi. Puis j'étais normal. Puis effectivement, c'est très dur. Tu sais, quand tu as 7-8 personnes dans la même pièce, tu sais, les 2-3 premiers ils se font quand même assez facilement, mais là, à un moment donné, faut que tu caches tes corps, faut que si tu le laisses traîner, c'est sûr qu'il y en a un qui va le voir, puis t'es fait, là, parce qu'il va courir après. Là. C'est ça, parce que les ennemis, quand ils marchent dans une salle, ils ont comme un pattern, puis il faut vraiment que tu les suives. Sauf que tellement le pattern est différent pour chacun de temps en temps, il faut vraiment que tu synchronises ton chemin et tes mouvements pour pas que tu te fasses voir, pas qu'il y ait une alarme. Puis sinon, c'est vraiment difficile comme jeu de temps en temps, mais soit tu fonces dans le tas, soit tu vas doucement, puis que tout va bien aller, puis tu as des points de plus quand tu y vas doucement. Fait que... Mais la seule chose que je voulais amener aussi, si je sais pas aux autres, ceux qui ont joué un peu plus loin, les boss, qu'est-ce que c'est ça? Ça a été confirmé, ça n'a pas été fait par la gang d'Eidos. Ben, c'est ce que j'allais dire, ouais, ça n'a pas été fait par Eidos, ça paraît. C'est ce qui a baissé le jeu dans mon estime, en fait, les boss. J'ai détesté les faire, mais incroyablement. J'en reviens juste pas, sérieusement. Ben, personnellement, moi, je suis pas rendu à ces phases-là. Je les courirais par moi-même, mais l'expérience, pour une première expérience, je la trouve bien plus mémorable que Skyrim. Pour moi, là, c'est mon choix personnel. Donc, c'est ça. Ah, puis il y a Rob qui me dit que les boss, c'est 1% du jeu. Ouais. Mais ça a été assez pour moi pour me. Bon. Je sais pas, pour le baisser dans mon estime. Il y a tout plein de trucs qui ont fait que, comme je disais tantôt, j'ai pas accroché tant que ça à ce jeu-là. Je sais pas pourquoi. C'est ça. Mais je pense que vraiment, ça, c'est vraiment destiné à ceux qui aiment y aller parfois doucement, mais vraiment doucement. Là. Ceux qui ont aimé Splinter Cell, là, d'après moi, ils vont vraiment se retrouver dans Deus Ex. Vous n'êtes pas obligé d'avoir joué au premier Deus Ex pour vous retrouver dans l'histoire. Là, sérieusement, c'est vraiment un antépisode. Mm-hmm. Ben, c'est un préquel. C'est ça, ben, justement, le terme approprié, justement, c'est un antépisode. Donc, cours de français, je m'en souviens. J'avais parlé ça avec Max Tremblay, puis on dit salut. Puis, donc, c'est ça. C'est un antépisode qu'on dit. Gears of War 3, que moi j'avais essayé, que j'ai bien aimé. Personnellement, c'était le meilleur first-person shooter que j'ai joué cette année. Je suis un peu tanné des Battlefield 3 puis des Modern Warfare 3 que c'est comme trop technique, trop réel, trop... Moi, je viens de la génération Doom, Duke Nukem, Wolfenstein, que c'était... T'avais un gun, tu fonces dans le tas, tu tires sur tout ce qui bouge, et c'est là que j'aimais Gears of War 3. Je sais pas si pour vous autres, là, s'il y en a qui ont eu la chance d'essayer Gears of War 3 comme moi. Moi, j'ai acheté l'édition du collectionneur avec la grosse figurine, qui est vraiment immense. Et très. Moi, je la trouve jolie, en tout cas. L'histoire était bonne. Ça finissait bien la trilogie, entre parenthèses. Et le mode multijoueur... Tout le monde avait la même fusil. On commençait au même niveau. Ben oui, c'est sûr qu'il y en a que tu voyais l'expérience. Mais on commençait tous avec le même fusil, le même niveau. Les cartes étaient petites et non pas des immensément trop cartes que tu es obligé d'aller chercher un avion. Si tu veux avoir une chance d'aller tuer quelqu'un à l'autre bout en moins de 5 minutes que la game dure. Moi, Gears of War 3 était une belle découverte cette année. Belle découverte, puis il y a tout plein de petits caméos dans chaque map aussi, comme celle football, là, tu peux tirer sur le truc l'afficheur pour que ça tombe sur les gens. Ou il y a une map, je me souviens, une map de sable. Je suis pas fou, je me souviens plus le nom, mais à un moment donné, t'as une grosse, grosse tempête de sable qui arrive, tu vois plus rien, rien, rien. Ça rajoute des petits challenges comme ça. Aussi, Gears, la seule chose Gears, moi, c'est le solo. J'ai adoré le solo avec plein de moments super bon, touchants, tout ça, que je ne dirai pas pour pas scraper l'histoire aux gens. Là. Mais j'ai seulement trouvé que c'était un petit peu du réchauffé. Je me serais attendu à plus de bang for my buck. Dans le solo. Multi, j'ai rien à dire. Mais le solo, je sais pas. Il y a une couple d'émissions que je trouvais insignifiantes. Ouais, mais après trois jeux. C'est ça. C'est difficile, il me semble, là, de d'écrire. Ben, je sais pas, j'ai jamais écrit de jeu, mais il me semble, après 3, ça commence à être difficile toujours réécrire une nouvelle histoire. Peut-être pour ça, c'est que Battlefield 3, ils ont fait une histoire de 5 heures. Peut-être parce qu'ils avaient plus d'idées pour un mode scénario, puis ils savaient qu'elle allait être en mode. Que ça allait être le mode multijoueur qu'elle allait vendre. Mais... Ça leur sent. Ça leur copie Call of Duty, leur sens, selon moi. Je pense que c'est l'arrivée. Le plus critiqué de Gears of War 3, c'est l'essence qu'il faut que tu ailles chercher, puis que tu te la fais voler, puis là tu retournes en rechercher d'autres. Puis... C'est un peu répétitif, puis tu sais, il aurait peut-être pu passer par-dessus ça, mais. On en parlait justement à Battlefield 3. Ah oui. À part le mode multijoueur, là, puis les bugs d'Origin, là, je sais pas. Ben, je sais pas, j'ai jamais eu de bugs sur Origin, je joue sur PS3, fait que. J'ai pas connu ça. Comment tu peux jouer un first-person shooter sur manette? J'ai pas de PC assez performant pour faire rouler Battlefield 3, mettons. C'est une question d'habitude, je pense aussi. Ceux qui ont peut-être commencé à jouer des FPS sur PC, on va peut-être avoir de la misère à transférer sur console. Ceux qui ont pas connu PC, puis qui ont tout le temps joué sur console, vont être habitués à jouer sur console, fait que pour eux autres, c'est pas dépaysant. Hein. Mais tu sais, comme pas mal tout le monde, j'ai mon premier shooter, je pense que ça devait être Counter-Strike 1.6 sur PC. Oh my god! Ah oui. Ça a été pas mal le premier FPS de tout le monde, mais après ça, tu sais, j'ai eu une console, une PS3 en 2009, puis je pense que mon premier vrai shooter sur PS3, ça a été Modern Warfare 2. Mais c'est vraiment Halo qui a lancé la mode des first person sur console. Justement, il lançait justement Halo Anniversary pour Xbox 360, mais c'est vraiment Halo qui a démarré la mode des first person. C'est dans le temps, on avait des Counter-Strike, on avait Wolfenstein également, donc c'est quand même... Il y en a eu, mais il n'était pas aussi bon qu'Halo. C'est ça, puis mais il y avait aussi des first person comme GoldenEye également, donc puis Perfect Dark dans un autre domaine, mais c'est vraiment GoldenEye et Halo qui ont vraiment mis la donne pour les first person sur console. C'est mon avis, là, donc mais c'est vrai que les first person sont meilleurs sur PC. D'y avoir joué, là, même si je joue à Metroid Prime puis Deus Ex en first person, là, je préfère encore jouer avec une souris. Ouais, mais Metroid, on ne veut pas argumenter là-dessus, c'est une licence Nintendo. C'est ça, c'est une autre affaire, c'est sûr, mais je veux dire, de jouer sur Wii, c'est sûr que ça apporte quelque chose de différent, c'est quand même assez précis, mais d'avoir joué à Counter-Strike, c'est certain, je vais dire carrément, les first person sont meilleurs sur PC. Mm-hmm. Moi, je me rappelle, sont meilleurs, oui. GoldenEye, je pense que c'est la seule raison pourquoi j'ai encore une Nintendo 64 ici. Ah. J'ai pas essayé le reboot, par exemple, d'Activision. Selon les critiques que j'ai entendues, le re-release, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il a été lancé quand même assez souvent, dernièrement sur Xbox ou PS3, je m'en souviens pas, ça avait très bien donné, par exemple, il y avait vraiment l'esprit de GoldenEye. C'est sûr que tu avais le fameux Daniel Craig à ça pour au lieu de Pierce Brosnan pour le personnage de l'époque, le vœu. Mais à ce qui paraît, c'est pas payé pantoute pour une réédition. Là. Ben, ouais. Gamer disait justement, on parle vraiment de Metroid Prime, le Metroid Prime Trilogy avec Retro Studios là, qui a été lancé en 2002. Moi, je sais que j'ai bien aimé le remake de Halo Anniversary sur Xbox. Je me l'ai procuré parce que mon père est un fan de la série. Et graphiquement, ils ont beaucoup retouché comparativement à certains autres jeux qui sortent en HD, que c'est comme, bon, OK, ils ont juste enlevé la pixelisation. Ceux-là, ils ont retouché les décors qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus réalistes, beaucoup plus beaux. Non, sérieusement, j'ai beaucoup plus aimé le remake. Ceux qui n'ont jamais joué au jeu, ça va très bien. C'est une belle découverte pour eux autres, là, Halo, surtout qu'ils expliquent l'histoire. Il y en a qui essaient d'embarquer dans Halo 2, Halo 3 puis Halo Reach, puis ils n'embarquaient pas. Là, au moins, avec Halo Anniversary, ils peuvent mieux embarquer, et je trouvais que ça embarquait très bien, là. Ouais. Mais en même temps, ce qui est intéressant, dans ce que j'avais vu dans les critiques, tu as également une option qui permet de rejouer avec les graphiques de la Xbox, là. Oh. Je pense. Là, ça, je l'ai pas essayé. À moins que ce soit vraiment des comparaisons que j'ai vues, je sais pas si tu peux être capable de retourner aux anciens graphiques. Mais il me semble que ouais. Je voyais les différences. Ouais, mais c'est ça. Ouais, le Anniversary. Oui. Oui, tu peux changer dans in-game. On the fly, là, je peux pas dire exactement c'est quel bouton parce que je l'ai pas, là. Mais durant le jeu, tu peux changer. Ou soit que c'est dans les options, là. Tu peux vraiment retourner d'un graphisme à l'autre. Mais mon Dieu, fait que tu vois vraiment la différence. Faut quand même. C'est certain qu'il y a une évolution entre la Xbox et la 360, là. C'est certain, là. Peut-être après ça, ça va être pour la 720. Mais ça, on va parler de ça dans 5 ans. Fais attention, hein, il y a des rumeurs qui disent, j'ai lu ça aujourd'hui sur le journal des gamers, il paraît que Xbox Team serait que ce serait peut-être pour 2013, mais là, regarde, au nombre de fois qu'on nous annonçait des consoles et tout, qu'on les a jamais eues, mais bon, il paraît que pour 2013, mais le cycle de vie, c'est 5 ans. Ouais, en moyenne, là, mais c'est ça. Fait que la preuve, c'est que de vie, la Wii, c'est fait, là. Il y a Skyward Sword qui vient de sortir. Là, c'est les préparatifs pour la Wii U, là. Il va y avoir une annonce officielle pour le E3 2012. Parlant de first-person shooter, je pense qu'on est bien parti. On va y aller. On n'a pas le choix de parler de ce jeu-là, même si on en parle, je pense, à chaque année. Call of Duty Modern Warfare 3. Ah, Ma copie est précommandée chez eBay Games, j'ai pas été encore à chercher. Non, je l'ai pas. J'ai un 5$ d'investi que j'ai pas encore été chercher mon jeu qui traîne dans les comptoirs, je suis sûr et certain. Pourtant, j'ai passé devant tous les jours puis j'ai pas pris la peine d'aller chercher. Là, je sais pas. C'est le fait d'arriver puis tu joues, t'es niveau 2, tu manques 3-4 jours, tout le monde a monté niveau 70, t'es encore niveau 2. Là, tout le monde a les viseurs hyper laser camouflés, puis là, t'embarques, puis tu te fais tuer après 2 secondes. Non, merci, non, moi, je veux jouer, je veux me faire du fun, puis c'est pour ça que j'ai plus aimé Gears of War 3. Tout le monde a les mêmes fusils, tout le monde a... Là, c'est comme, ah, tu peux acheter ce viseur, tu peux aller chercher ce viseur-là qui fait tu peux viser plus loin, puis... Mais voyons donc, et où ton fun après ça, là? Mais en même temps, il y a toujours du nouveau monde sur Call of Duty. Oui, mais ce nouveau monde-là, après ça, ils se font carrément bâcher, ben, tuer par exemple par ceux qui jouent trop ou les vétérans qui ont peut-être un petit peu plus du sens là, du gameplay. Mais après ça, tu as ces joueurs-là qui sont un petit peu trop, permettez-moi l'expression, no life, qui vont carrément tuer tout le monde, vont vraiment se pitcher sur les noobs, puis monter. Il n'y a pas de vie, ce jeu-là. Là. Excusez-moi, mais il n'y a vraiment pas de vie. Puis, je suis vraiment pas intéressé par Call of Duty. Je voyais des vidéos et tout ça, puis ça m'intéressait pas. Donc, Ben, Call of Duty, selon moi, c'est un bon jeu, tout dépendant du mode que tu joues. Si tu t'en vas là pour jouer en Team Deathmatch, c'est sûr que un gros buff, en tout cas pour moi. Mais une gang de chums, 8 chums sur Xbox Live ou PSN, à se faire des search and destroy le soir avec une petite limonade hardcore. Ouais. Écoute, c'est incroyablement fun. Mm. C'est quand tu rentres dans un mode public que là, moi j'en arrache, je capote pas. Moi, mon jeu, c'est vraiment Battlefield là, pour 2011. Ouais, mais quand tu achètes un jeu comme Battlefield ou même Call of Duty, quand tu veux jouer publiquement contre tout le monde, c'est un jeu que tu achètes le plus tôt possible, que tu précommandes, que en vrai, il faut que tu l'aimes, que tu donnes un bon pied, là, puis, parce que sinon, là, non seulement tu vas t'ennuyer si jamais tu l'achètes plus tard, mais tu vas voir que tu vivras pas. Là. Mais c'est surtout le fait, pourquoi j'aime pas Call of Duty, c'est surtout à cause du monde qui joue trop pour le ratio. Je veux dire, depuis que le monde a instauré les systèmes de ration dans les jeux multijoueurs, dans les FPS, ça a totalement détruit ça. Tu regardes ça, puis Battlefield avant, c'est un jeu vraiment team play. Puis aujourd'hui, il y a plein de monde qui font comme « Ah ben là, moi je vais pas capturer des objectifs, je m'occupe tout de suite du monde, c'est meilleur pour mon ratio. » C'est comme « You et team play là-dedans. » Battlefield 3, le fun, c'est pas de sniper à l'autre bout de la map, puis d'essayer d'avoir 12 kills à roudette. Le fun, c'est d'aller se pogner une gang de chums en hélicoptère, puis d'aller pogner un point, puis de faire comme genre « Oh yeah, on est fort. » Ce qui est ridicule aussi, c'est une promotion qu'ils ont faite aux États-Unis sur Call of Duty. Je pense à ça en ce moment, c'est Mountain Dew, qui, à chaque fois que tu achètes en fait une bouteille Mountain Dew, il y a un code dedans qui te permet d'avoir x2 d'XP. Fait qu'en gros, si t'as le goût d'avoir plein de boutons en face puis que t'as envie de boire beaucoup trop de Mountain Dew, ben tu peux être toujours double XP. Mais monter, planter tout le monde, tu sais. EA a fait un truc un peu pareil pour Battlefield 3, c'est avec Dr. Pepper, par contre, qui avait mis un code, je pense, dans les bouteilles de Dr. Pepper, mais juste aux États-Unis, qui donnait accès, je pense, à 5 dog tags exclusifs. Tabarouette, là. La liqueur. Mais je me suis justement... Ben, un produit parfait pour accompagner une soirée de gaming. Ça, puis de la limonade. Mais en plus, quand je vois justement dans les boutiques de jeux, particulièrement Game Buzz, là, je vois des copies de jeux usagés, là. Il y a beaucoup plus de Call of Duty ou bien de Battlefield parmi les jeux revendus cette année. Là. C'est, ça a beau être extrêmement vendu, Call of Duty a fait 1 milliard de profits la première semaine. Puis ça, c'est bien plus que Avatar. La première semaine qui est sortie, tout ça, ça a pris du temps pour Avatar, un petit peu plus que Call of Duty. J'ai rien contre la popularité de Call of Duty, je suis bien d'accord, tant mieux pour Activision s'ils font de l'argent. Mais ils disent avoir chipé tant de millions de copies, mais là, ils voient leur jeu se faire revendre. Donc, voilà. Moi, ce que j'aimerais comme système pour les jeux multijoueurs, ce serait un système qui se rapproche un peu plus de StarCraft 2. StarCraft 2, c'est séparé, t'as les bronzes, les argents. Les Golden et on continue. Moi, je serais pas un niveau Golden. Si je pourrais jouer avec juste du monde qui a un niveau 2, je serais content. Si je monte niveau 10, mais là, fais-moi jouer avec des personnes qui ont entre niveau 10 puis niveau 20 et ainsi de suite. Moi, ce serait un système que j'aimerais bien et peut-être que justement, on n'aurait pas le goût de leur vendre, on n'aurait pas le goût d'arrêter. Faites-moi jouer avec du monde qui a le même niveau que moi. J'apprécierais beaucoup plus mon expérience de jeu. OK. Et... Non, mais c'est, juste pour revenir justement, c'est Rob Sam Sandos qui vient nous spécifier que ça a pris 16 jours, je ne sais pas si c'est 16 jours, 1 milliard pour Avatar ou Call of Duty. J'aimerais ça qu'on spécifie, s'il te plaît. Pour Call of Duty, OK. Donc, 1 milliard en 16 jours pour Modern Warfare 3, qui bat naturellement Black Ops. Donc, c'est ça, il vient de confirmer Call of Duty. OK, merci Rob Sam. C'est ça. Fait que moi, c'est une raison pourquoi j'ai abandonné World of Warcraft, pourquoi que j'ai abandonné Call of Duty, pourquoi j'ai abandonné Battlefield 3, mais pourquoi je n'ai pas abandonné encore depuis un an et demi StarCraft. Parce qu'au moins, si je veux jouer... Oui, je suis maniaque de StarCraft. Je joue à peu près à toutes les semaines. Mais je ne suis pas des Coréens. Je suis un petit Québécois qui adore ce jeu-là, qui est prêt à jouer beaucoup d'heures, mais qui se maintient dans le 500. Et ils vont me faire jouer avec des gars qui se maintiennent dans le 500. Et c'est là que j'aime beaucoup plus mon expérience de jeu, parce qu'au moins, je sais, je peux me balancer, que des jours, je vais gagner tous mes matchs, que des journées, je vais perdre tous mes matchs. Au moins, ça balance. C'est pas comme à Call of Duty que je vais passer... 2 semaines à me faire tuer dès que j'arrive, puis que, ben, regarde, oublie ça. J'ai la même expérience, justement, ben, on parlait justement du jeu online, mais Mario Kart 7 aussi qui est arrivé pour 3DS, ça a boosté les ventes, puis on a vraiment le même problème, tu sais, Mario Kart, là, il faut vraiment que tu sois expérimenté dans le style de conduite, et dernièrement, il y a eu un bug sur un circuit, allez chercher si ça vous tente, mais si vous l'utilisez, naturellement, vous allez vous faire suer dessus, donc vraiment, Mario Kart 7, malgré que ce soit un très bon online, meilleur que Mario Kart Wii, meilleur que Mario Kart DS, à mon avis, il faut faire attention, quand on joue sans pression, on a peut-être un petit peu plus de fun, et jouer avec des amis, c'est encore meilleur, mais quand vous jouez public, attention, sérieusement. Là. Puis moi, j'ai joué à World of Warcraft sans pression, j'ai eu du fun. Mais là, c'est parce que quand tu embarques dans des raids, personnellement, j'ai essayé Cataclysm, j'ai l'expansion, j'ai commencé mes fameux raids, puis des donjons héroïques. Puis c'est de la pression de faire ces maudits donjons-là. J'ai lâché carrément. Problème financier en plus qui embarque là-dedans. Là, je peux pas me payer un jeu online tout le temps. Donc voilà. Y en a-tu un qui a eu la chance d'essayer Zelda? Mais juste avant, est-ce que je peux juste amener quelque chose? Je pense qu'on a oublié une grosse chose sur Call of Duty, le mode solo, on n'en a pas parlé. Qui solo, a aimé, qui a détesté? Ben, mode solo, je sais que Maxime Tremblay qui disait que lui, il avait bien aimé, c'est une belle expérience. Je pense à la seule affaire que dans toutes les. Je m'appelle Modern Warfare 2, le mode solo était bon. Black Ops, c'est peut-être la seule affaire qui avait ressorti de positif du jeu. T'arrives, puis la première affaire que tu fais, c'est tuer Fidel Castro. Mon Dieu, ça commence bien sûr. Ça commence, rush. Rush. Ouais. Fait que, d'après moi, le mode story de Call of Duty, c'est peut-être la seule chose positive qui ressort de toute l'expérience. Ah, absolument. Même ce que j'adore de ce jeu-là, c'est qu'il est capable de t'amener partout autour du monde, puis que l'histoire reste quand même pseudo-cohérente. Moi, me battre à côté de la Tour Eiffel, waouh! Me battre dans les rues de Washington, waouh! C'est des places que je veux être. Je veux pas être dans le bois, moi. Je sais pas où, dans le fin fond d'une jungle en Afrique. Là. Moi, si tu me dis je vais me battre dans plein milieu de Times Square, là je capote. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime dans les séries Call of Duty. Oui, ils poussent le blockbuster au maximum. Mais Colin, c'est bon. Je trouve que c'est bien fait. Y en a-tu qui ont eu la chance de jouer à Zelda? Bon. Oh mon Dieu. Mais je vais être bien honnête. Là, j'ai essayé la démo. Et personnellement, moi, je suis pas bien intrigué. Là. C'est, j'ai une Wii. Puis c'est pas un jeu qui me ferait racheter une. Par exemple, là, si je vendais ma Wii, c'est pas un jeu qui me ferait racheter la console. Là. Bien honnêtement, je trouve que les contrôles sont tellement trop précis quand tu bouges l'épée. T'as pas, c'est pas comme dans Twilight Princess que là, il tenait son épée sur le côté, que tu marchais, il n'y avait pas de problème. Mais là, c'est parce que quand tu marches, tu pointes ton Wiimote, il est comme tout le temps là avec son épée, puis en ligne droite, comme s'il se tabait tout le temps, comme s'il faisait une charge. Ça, je trouve ça vraiment aberrant. Je n'ai pas de mots pour décrire ça. C'est vraiment difficile que le sentiment que j'ai eu. Là. C'est vraiment pas fort. Là. J'avoue, le graphique aussi, c'est quand même pas si pire. On s'entend, c'est Zelda, c'est Nintendo. Les objets, par exemple, ça, c'est vraiment intéressant. Mais personnellement, je pense pas qu'il va... Pour moi, qu'il va pas Ocarina of Time. Mais encore une fois, c'est une démo. Je vais attendre d'essayer d'avoir le jeu avec la Motion Plus, mais je suis vraiment pas convaincu pour la démo. Là. Sérieusement, j'ai bien aimé Twilight Princess, m'associer à Midna. Ocarina of Time, le seul défaut que j'ai trouvé, les caméras et peut-être Navy, on s'entend. Hey, listen! Mais sérieusement, Skyward Sword, faites attention si jamais vous l'achetez. Mais est-ce qu'on aime Zelda? Est-ce que parce que c'est Zelda? Moi, je viens de la génération du premier Zelda. Je joue encore avec mon Nintendo 8-bit qui fonctionne sur ma grosse télé. J'ai encore le fun de jouer au premier Zelda. Et tout le monde dit Skyward Sword relance la série, même si il y a l'épée à droite au lieu de gauche. Moi, je m'en fous. J'ai hâte quand même de l'essayer pour revivre l'expérience. Twilight Princess, tu as dit Alex que tu l'as aimé. Moi, Twilight Princess, j'ai pas plus aimé ce qu'il faut. C'est comme Wind Waker, le bateau et tout. Non, moi, j'aimais mieux les deux mondes, que tu étais jeune et adulte, univers A Link to the Past où t'étais l'univers lumière, l'univers obscur. J'aimais cette expérience-là. Je me rappelle encore le premier Zelda, quand t'écrivais Zelda comme nom, t'arrivais puis tous les tableaux, tous les châteaux, c'était des lettres de l'alphabet. Mm. Alors, moi, c'est ça que j'aimais de ce Zelda-là et j'ai hâte d'essayer Twilight Skyward Sword pour ça. Je me rappelle quand ils nous avaient vendu Twilight Princess, ils disaient « Ah, tu vas pouvoir faire les coups d'épée avec les nunchuku. » Puis là, j'étais comme « Oh yeah! » Là, j'essaie de faire des coups d'épée digne de Link. Ben non, il fallait que tu fasses gauche à droite, en haut, en bas, X, Y. Merci, bonsoir, c'est fait, tu joues de même. Ben, personnellement, Twilight Princess, justement, c'est... là, je vois plus de chat parce que j'essaie de me connecter, donc juste me dire son nom. Mais de toute façon, il y avait une version GameCube qui est disponible pour Twilight Princess, là, où est-ce que Link est vraiment gaucher, où est-ce que tu disais le bouton B sur GameCube pour justement donner tes coups d'épée. Donc vraiment, c'est le premier Zelda qui était disponible en deux versions à peu près le même jour. Oui, mais je m'en fous qu'il soit gaucher ou qu'il soit droitier, moi. Moi, ce que je veux, c'est The Legend of Zelda, une belle expérience de jeu. S'il vous plaît. Il y a 60 heures, là. Ça, puis je sais pas si on y va dans le core de Zelda, de ce que c'est en général comme jeu. Vous êtes pas tanné, en tout cas, peut-être je parle à travers mon chapeau, mais de commencer le jeu, aller chercher l'épée en bois, aller chercher l'épée en métal, après ça, aller chercher ton seau de verre, après ça, un temple de l'eau, après c'est ça. Je trouve que ça revient toujours au même. À un moment donné, oui, c'est cool d'avoir un nouveau jeu à chaque année, mais ou à chaque deux ans, mais Colin, je veux dire, ils ont essayé... changer le mode, là, tu sais. Ouais, mais ils ont essayé de faire différent avec Majora's Mask, avec Wind Waker, et ils n'ont pas marché, ils n'ont pas fonctionné. C'est ça. Fait qu'ils savent que le mode A Link to the Past, Ocarina of Time, Skyward Sword, ça fonctionne. Bon, Skyward Sword, il y a les oiseaux là, que tu peux manipuler, là, que je ne m'appelle plus les noms là, tout d'un coup. Mais c'est que ça n'a pas fonctionné. Majora's Mask, il fallait que tu vas chercher des masques, puis là, ça te faisait que tu acquérais les habilités de ces masques-là, on dirait carrément que tu collectionnais tes Pokémon puis tu devenais ce Pokémon-là. Ou Link se prenait pour Kirby tout d'un coup. Et non, je n'avais pas embarqué Majora's Mask. C'était comme trop obscur. Puis j'aime mes amis, moi, que je connais, que ah non, Majora's Mask était le meilleur Zelda de la série parce qu'il faisait différent, faisait changement. The Adventure of Link sur Nintendo 8-bit, quand il avait essayé de faire un jeu de plateforme. Non. Le plateforme, tu gardes ça vraiment pour Mario. Mais c'est drôle, tu arrives vraiment à le type plateforme, le scrolling, justement. Tu sais, je ramène vraiment Metroid, mais Metroid, c'est toujours la même affaire que tu cherches. Là. Tu prends des upgrades ou tu récupères d'une façon différente dans certains jeux, mais tu reviens tout le temps au main, tu récupères ta Morph Ball, ton Charge Beam, tes missiles, tes bombes. Puis après ça, Ready to Go, tu arrives dans l'histoire. Là. C'est Zelda, c'est la même affaire. Tu récupères ton épée, ton bouclier, puis ton nouveau costume, puis en vrai, tu ramasses tes upgrades, puis tu y vas. Le temple du feu, le temple de l'eau, le temple de la terre. Puis... Ouais, qui arrive, c'est ça. Mais personnellement, d'avoir joué à Master Quest, Ocarina of Time, ça, c'est un méchant challenge. Puis pour ceux, justement, qui ont une 3DS, il y a le remake d'Ocarina of Time qui est sorti. Donc, si vous n'avez pas joué à Ocarina of Time, là, sérieusement, c'est un jeu que je conseille vraiment à tout le monde. Là, j'ai beau avoir préféré Twilight Princess, mais Ocarina of Time, c'est quelque chose pareil. Là. En parlant de jeu de plateforme, y en a-tu qui ont la chance d'essayer Rayman? Je ne l'ai pas essayé, moi. Ah non, je veux vraiment l'essayer. Ça, c'est vraiment... C'est de valeur parce que c'est vraiment 50 000 copies vendues qui ont réussi à vendre. Il a très bonne critique, mais il a vraiment été surclassé médiatiquement par Assassin's Creed Revelation. Toi, Steve, y a-tu quelqu'un à Weekend Gamer qui l'avait essayé? Oui, Dominique, lui, il a fait... je crois qu'il a acheté le jeu. Puis il l'a fait au complet, puis... Lui, il était à 100. Je me souviens pas de la note qu'il avait donnée, mais c'était un 8 ou un 9. Là. Oh, wow. Pour un jeu de plateforme, là. Pour un jeu de plateforme, il dit c'est un jeu qui relance vraiment la série des Rayman que depuis 5-6 ans, peut-être, depuis que les Lapins Crétins sont sortis, Rayman avait été mis comme un peu de côté. Lapins Crétins qui avaient pris le... C'est ça, parce qu'avec Rayman, il y avait Odlumava qui est sorti en 2003. C'est le dernier vrai Rayman qui était sorti. Après ça, c'était le Rayman 4 qui avait lancé les Raving Rabbids. Puis après ça, ça a été rien. Il y a eu des remakes sur DS de Rayman 2. Puis après ça, il y en a eu un sur 3DS. Il y a des re-releases tout le temps de Rayman 2. T'sais, Rayman 2, c'est le jeu emblématique de Rayman, à part le premier. C'est celui que tout le monde connaît, Rayman 2. Mais j'ai vraiment hâte d'essayer Rayman Origins. Ce qui paraît, c'est vraiment drôle du début à la fin. En multijoueur, c'est le bordel total. Puis c'est tant mieux. Le but, c'est vraiment de rire. Le jeu est facile, on meurt pas, mais on rit. Y a-tu des jeux qu'on n'a pas parlé, que vous auriez aimé ça parler? Pour suivre le commentaire de RobSam112 sur Twitter, désolé de dire ça, mais Assassin's Creed, c'est le Call of Duty de Ubisoft. Ah, c'est tellement oui, vrai. Je suis ah, totalement. 100%, je suis 100% d'accord avec toi, puis j'en prendrai pas un cinquième. Là. Le Revelation, c'est assez. Si tu veux en faire un autre, change le mode de jeu, fais quelque chose, parce que là, 5 comme ça à escalader des bâtiments, je pense que là, on va vraiment cette année. Il a mis 6 sur Twitter. Il dit mon premier Rayman, c'est un jeu pour apprendre à lire et à calculer. C'est vrai, il y avait des dérivés justement pour Rayman qui faisait ça justement sur ordinateur. Le Rayman Junior, c'est ça, c'est en plein ça. Y a-t-il des jeux qu'on n'a pas parlé? Il y a eu Dead Island. Dead Island, hey, c'est vrai, Dead Island. Hein? Écoute, c'est le jeu coop par excellence. Vous allez me dire toutes les vacheries que vous voulez sur ce jeu-là. Oui, c'est buggé. Oui, il y a des missions qui sont redondantes. Oui, mais Colin, je vous garantis, pluguez-vous 4 chums sur ce jeu-là à tuer des zombies et progresser dans ce jeu-là qui a, en fait, il y a 3 tableaux, là, sans faire de spoiler. Il y a une plage puis une ville. Le troisième, je vous le dirai pas. Mais c'est des places, c'est grand. Il y a toujours du stock à faire. Les ennemis sont variés. Ils ont copié les ennemis de Left 4 Dead, là, faut pas se casser la tête. Mais en coop, c'est incroyable. Oui, effectivement, Frankie, c'est vraiment meilleur que Left 4 Dead, selon moi. Y en a-tu qui ont eu la chance d'essayer Dark Souls? Personnellement, non. Oui. J'ai joué un bon 20 heures. Trop dur, fait que ma manette est en réparation en ce moment. Oups. Steve, tu voulais rajouter quelque chose? Ben, d'un jeu qu'on n'avait pas parlé, il y a Sonic aussi qui ont sorti d'un jeu de plateforme. Oui, je pense que c'est Sonic Generation pour les 20 ans de Sonic, je crois. C'était vraiment une sorte de réédition des jeux de Sonic. C'est disponible sur à peu près toutes les plateformes. Ça va arriver sur 3DS. Donc, Sonic Generation, si vous êtes un vrai fan de Sonic, mais c'est seulement pour les fans de Sonic, parce que ce qui paraît, il y en a qui pourraient peut-être s'ennuyer. C'est selon ce que j'ai su. Il y a un autre jeu que j'aimerais vraiment essayer bientôt, c'est Mario 3D Land sur 3DS. Ça a vraiment fait grimper la console, là. À ce qui paraît, c'est long à démarrer, mais après ça, tu arrives avec des bons défis. Les cartes sont carrément refaites, donc ça augmente encore la durée de vie, selon ce que j'ai su. Donc Mario 3D Land, c'est peut-être un jeu que je vais essayer un petit peu plus tard. On peut... Je pense qu'on a fait pas mal le tour pour les jeux. Oui, c'est pas mal ça qui regroupe nos jeux cette année. Donc, Arkham City, Skyrim, Deus Ex, c'est vos choix. Donc, voilà. Vous avez vos choix, on a tous nos goûts également. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Ah, on y va-tu pour le cinéma? Allez pour le cinéma. Y en a-tu un qui a eu la chance d'avoir Tintin ici? J'aimerais ça, mais peut-être pendant le temps des fêtes. Je pense, moi aussi, ça va être pendant le temps des fêtes pour Tintin, parce que là, il y avait comme trop de monde cette semaine au Guzzo. Je suis comme retourné de place. Je crois que Spielberg a bien rempli sa mission. Oui, ben, ayant vu les trailers, juste le CGI qui a été fait dans le jeu-là, la motion capture, les captures de mouvement, hein, je vais parler en français, c'est débile. J'en reviens pas. J'ai vu les annonces, là, j'étais sûr que c'était des vraies choses. Puis oui, je vais attendre que la copine soit disponible pour aller voir ce film-là, c'est sûr. Je trouve ça super intéressant. Il y a Yannick B qui dit que c'est excellent, mais que c'est une vraie suite pour Indiana Jones. Puis il y a Sam, justement, qui disait que c'est une BD franco-belge. Donc mais c'est vraiment... ce que j'ai vu, c'est un petit peu hollywoodien par moment, mais étant donné que je suis un fan de Tintin depuis ma tendre enfance, sérieusement, je pense que c'est un film que je dois voir. Là. Ma mère et moi, on a suivi Tintin ensemble. Là. Puis c'est en quelque sorte un personnage emblématique, de la bande dessinée francophone. Ça va pas pogner, on s'entend. En Europe, ça l'a bien pogné. Je pense pas, mon oncle. En Europe, ça a pogné. Excusez-moi, ici, mais ça a pogné. Ici, au Québec, pogné. Ça va faire son public. Mais aux États-Unis, ouais. Ce sera pas parce que c'est Tintin, non. C'est parce que ça va être Steven Spielberg puis Peter Jackson. Là. C'est ça. Ouais. Oui. C'est ça. Y en a-tu Harry Potter, moi j'ai adoré. Personnellement, j'ai adoré aussi. C'était pas pire pantoute, je dois avouer. Même j'ai quelques petits sceptiques, j'ai lu les livres, donc on s'entend que c'est ça. Mais sinon, pas pire réalisation, sérieusement. Très belle fin. Ben, c'est ça. Ça conclut une belle série, sérieusement. Donc, il y a eu beaucoup de. Ça a été 10 ans de tournage, tous ces films-là. Donc, c'est quelque chose, là. Donc, beaucoup de pouces aux trois acteurs qui ont vraiment été tough. Puis, mais mon coup de cœur dans toute la série, ça a été Alan Rickman, Professeur Rogue. Moi, c'est un acteur pour qui j'ai beaucoup de respect depuis le premier Die Hard, depuis Robin des Bois. Ce gars-là était le méchant favori. Et je suis d'accord avec toi, ça l'a comme relancé sa carrière à cet acteur-là. Je donnerais un Oscar pour son rôle dans Deadly Hallows 2. Mais, tellement, là, c'était totalement. Malade. Sauf que je me demande bien, est-ce que Harry Potter pourrait, remportant un Oscar, mais juste emblématique, juste pour... Je sais qu'il ne remportera pas. Je le sais, je suis pas fou, là. Il y a Melancholia, qui est le film avec Kirsten Dunst, qui a beaucoup plus de chance. Mais est-ce que Harry Potter aurait peut-être une chance pour un Oscar emblématique, comme l'avait fait Lord of the Rings, comme l'avait fait Titanic? D'opinion personnelle, la série est beaucoup trop récente pour avoir peut-être un Oscar, un petit Oscar hommage pour ce que par rapport à l'œuvre de J.K. Rowling, mais un petit peu plus tard, le film est beaucoup trop récent, la série surtout. Non, mais je te parle. La série des livres qui sont basés là-dessus, mais peut-être qu'il mérite certainement un Oscar pour toute l'œuvre, les 8 films ensemble. C'est ça. Mais l'Oscar emblématique qui va rester, c'est Le Retour du Roi quand ils ont remporté le film de l'année. Là. C'est ça, parce qu'on s'entend, Le Retour du Roi l'avait remporté pour les deux autres films aussi. Titanic l'avait remporté parce que c'était comme vraiment trop gros pour pas qu'il remporte. Est-ce que Harry Potter pourrait au moins remporter, je sais pas moi, l'Oscar de la meilleure adaptation, l'Oscar, je sais pas. Écoute, mais... moi, excuse, je voulais pas te couper, mais pour continuer là-dessus, mon point de vue, ça serait oui, mais du côté British. Je pense que c'est un film qui est pratiquement 100% anglais. Je pense que là-bas, le facteur là, qui... Parce que je pense que les gens sont plus intéressés à ce film-là. C'est ça, je pense qu'il y a plus de chances qu'il gagne un prix. Puis je pense que justement, les Anglais vont vouloir peut-être plus récompenser un produit qui est vraiment 100% britannique. En tout cas, je pense que de ce côté-là, il y aurait plus de chances. Mais pour continuer la discussion que vous aviez avant, Harry Potter, pourquoi que je trouve ça génial, génial, génial, c'est que du premier livre, c'est vraiment ultra enfantin jusqu'au dernier livre, que c'est super adulte. Ils ont su bien garder leurs fans pour puis ils ont bien gardé en considération que ces gens-là vieillissent. Ces gens-là veulent être surpris à chaque fois. Et puis là, dans le dernier, il y a des gens morts, du sang partout. Écoute, c'est ouais, rendu violent. Ouais. Mais c'est ça que je vais apporter. Justement, nous autres qu'on était au secondaire, on commençait à lire Harry Potter. Puis même en 97, quand ça a sorti, ça a été une folie. Mais avec les films, c'est sûr que ça a aidé. Mais ça a vraiment suivi le courant. Des jeunes qui ont commencé à lire. Cependant, c'est vrai que d'un petit enfant de 7-8 ans qui va aller voir L'Ordre du Phénix ou même les trois, quatre derniers films, je m'excuse là, mais je le conseille pas bien parce que c'est vraiment c'est facilement 13 ans et plus à certains moments, tellement que c'est effrayant. Là. Sérieusement, à mon avis, ça avait pas de bon sens. Là. Les derniers films sont pas faits pour des gens jeunes. Ces gens-là devraient, comme nous, ils en écouter un ou deux par année. Jusqu'à temps qu'ils vieillissent assez pour qu'ils puissent écouter les films plus adultes de la fin. Et même à partir du deuxième film, ça a commencé à être gore. Tu sais, d'Harry Potter, spoilers, il se fait avoir il se fait carrément planter un dard dans le bras, puis ça saigne au bout. Fait que, tu sais. Ouais, mais... Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a un autre commentaire? Hein? Ouais, mais c'est ça. Faut pas oublier Harry Potter, le public cible, comme vous avez dit, a vieilli à longue. Là. On pouvait pas garder le même côté de Chris Columbus, qui a quand même très bien commencé la série. Et moi, le réalisateur du dernier Harry Potter. Non, c'est que on cherche en ce moment, je vais recommencer. La série a vieilli avec l'âge. Et on pouvait pas garder le même début qu'avait commencé Chris Columbus, qui est monsieur acteur, réalisateur de films de jeunes. On pouvait pas garder cette même mentalité-là, parce que sinon, là, on se serait tanné un peu. David Yates a très bien emporté la série. Et personnellement, si c'était juste de moi, Warner Bros., je garderais David Yates. Et quand Christopher Nolan, Christian Bale vont quitter... Batman, ouais. Je demanderais à David Yates, « Hey, ça te tente-tu le quatrième Batman? » Sérieusement? Un reboot, au moins. Un reboot, je pense pas qu'il pourrait continuer dans la même ligne. Il y aurait beaucoup de pression. Il y aurait beaucoup de pression, honnêtement, David Yates, s'il veut vraiment reprendre la série de Batman. J'y ferais confiance. On lui a fait confiance pour les Harry Potter. Il les a très bien menés, les quatre derniers. Il a très bien mené la job que Christopher Columbus a commencé. Il serait capable. Il a très bien dirigé son équipe. En parlant de continuité de franchise, First Class des X-Men, moi j'ai adoré. Wow, quel film. C'est vraiment un des... Je l'avais pas mis dans mon palmarès, mais là je l'avais oublié. Celui-là, il va moi, j'avais pas oublié. Non, réalisateur avec Kick-Ass qui a réalisé ce film-là a très bien su rebooter la série. Si on se rappelle X-Men 3, à part la séquence de la fin, qui est oui, le combat entre tous les mutants était bien fait, mais Matthew Vaughn a bien ramené l'histoire du début de l'équipe. Wolverine était... C'était Monkey Geekasm de l'année, je pense, cinématographique. Là. First Class, c'était juste écœurant. C'est le meilleur film de super-héros cette année. Michael Fassbender, il l'avait-tu, Magneto? Ah, écoute, Magneto, c'est quel acteur? Ça, je pense que ce gars-là, on va le voir de plus en plus partout, parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Il joue son rôle à la perfection, selon moi. On peut dire que Magneto a vraiment les meilleurs acteurs, ça, c'est certain. Mais c'est ça, mais Ian McLean, justement, qui joue le Magneto actuel. Ben, peu importe ce qu'on dira du troisième film, Magneto, Ian McLean a toujours été excellent, d'après moi. Là, c'est Gandalf. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Donc, Ian McLean, c'est un excellent acteur, d'après moi. Puis moi, Kevin Bacon m'a surpris. Ouais. Dans First Class. Je m'attendais pas à voir le rôle de méchant, c'est pour ça. Oui, mais il l'a très bien, Sébastien Shaw. Kevin Bacon, qui est rendu un has-been. Et là, dans ce film-là, wow! Ah, il sort une performance, là. Non, sérieusement, moi, X-Men First Class égalait Star Trek 11 en 2009, là. Comment bien refaire la série? On s'en fout que... Star Trek 11, je m'excuse, mais ça, c'est justement, c'est un antépisode, donc ça aussi, là. Oui, mais X-Men First Class est un antépisode aussi, et les deux ont très bien ramené la série. J'ai hâte à un deuxième classe, même s'ils n'ont pas respecté quelques timelines. Désolé, mais moi, je m'en fous du timeline. Là. C'est comme qu'on disait l'autre fois, là, les premiers pilotes, là, si j'ai eu le divertissement que je voulais, moi, j'ai aimé. Là. C'est comme Captain America First Avenger. OK, pas de scénario, c'était super kitsch, mais moi, j'ai embarqué dans le film. J'ai bien aimé le film d'A à Z, le gars qui faisait Red Skull, qui était le même qui jouait dans Matrix. Il faisait un bon méchant. Ouais, Red Skull, c'est Goeving, donc Elrond de Lord of the Rings, puis c'est dans Matrix également. Il y a Sam, justement, qui dit que X-Men First Class, et justement, c'est un film qui a donné confiance au film de bande dessinée. Ensuite, il y a Lynn qui dit que c'est vraiment Iron Man, pour elle, qui avait relancé sa passion pour les films de super-héros. Mais Mick Gamer, justement, ben, je pense bien que c'est Darth Sim qui dit ça. Les derniers Batman sont vraiment durs à battre. Puis il y a Frank 7, justement, si je vois bien, donc qui dit que Captain America, pour vous autres. Ben c'est ça. Moi, Captain America, comme j'ai dit, j'ai adoré le film. Oui, il y avait un côté kitsch, où il y avait plusieurs clins d'œil aux autres films. Oui, on avait l'impression d'avoir sauté des bouts, mais faut pas oublier, là, il fallait qu'on résume 5 ans d'aventure de Captain America, les 5 ans de la Deuxième Guerre mondiale, pour amener Captain America pour The Avengers de cet été que j'ai C'est Steve! Mais c'est ça. Je trouve que Thor puis Captain America, c'était deux films qui se sont, on dirait, pressés de sortir à cause que The Avengers s'en vient en 2012. Ils ont fait Hulk. Ils ont fait le reboot Hulk. Ils ont fait Iron Man. Il y avait déjà une couple de la table était mise pour quelques personnages, mais il en manque encore une gang. Fait qu'ils se sont dit, on va faire des films sur eux autres. Pis, moi, je le prends. Ouais, c'est ça. Moi, je le prends plus comme des films, entre guillemets, mis en place. C'est qu'on installe les personnages justement pour les gros qui s'en viennent après. c'est ça. Puis justement, également, Frank qui dit Green Lantern qui était pressé. Donc, Green Lantern, c'est un citron, excusez-moi. Mais... Un citron. J'ai pas trouvé ça. C'était même pas un navet. C'était une lime. Un melon de pois chiche. En face. Non, j'avoue, moi, si on avait pris un autre acteur que Ryan Reynolds, qu'on voit partout, peut-être que le film aurait pu être un petit peu meilleur, ou qu'on aurait enlevé les quatre réalisateurs, qu'on en aurait gardé juste un. Les Mystérieux Éternels disaient, quand le film a sorti, ça pouvait devenir un prochain Star Wars. Ils ont floppé. Ils veulent sortir un deuxième. Peut-être qu'ils vont réparer les erreurs du premier dans le deuxième. Je le souhaite, parce que Green Lantern est un univers qui est riche. Je suis en train de lire les Red Lantern dans les New 52 et je suis comme, waouh, hey, je le veux ce gros-là comme méchant. Il y a le leader des Red Lantern, là, c'est comme, on veut attaquer son chat puis il est là. Je vais tout vous détruire. Et il détruit tout sur son passage. Et là, c'est comme, on avait comme le professeur qui... ne me faisait pas peur, il me faisait rire. On aurait cru justement... On aurait cru un mauvais remake d'Howard the Duck. On parle de Ryan Reynolds dans le rôle de Green Lantern. Moi, je me suis dit, Ryan Reynolds, il a quand même d'expérience pour les super-héros parce que... Il en a fait trois! C'est comme Chris Evans! Dans X-Men Origins, il jouait quoi? Deadpool, c'est ça. Oui, il avait joué de Deadpool qui avait été un petit peu critiqué, mais c'est, pour moi, les trois meilleurs acteurs de super-héros, moi je dis soit Michael Keaton ou bien Christian Bale pour Batman. Il y a aussi Robert Downey Jr., Iron Man, puis malgré tout, Wolverine, là, Hugh Jackman, là, même si on critique les films, là, Hugh Jackman ou Wolverine, là, c'est emblématique. Là. Alex, t'en oublies un. Qui? Christopher Reeves. Oui, Superman, Christopher Reeves, oui. Yeah, il son c'était arme. Superman là, dans la vraie vie. Là. Oui, les films repassaient de temps en temps. J'avais vu le premier Superman sur Télétoon, puis c'était beau de voir ça, ce film-là, sérieusement. C'était pas des super effets spéciaux comme on a aujourd'hui, mais c'est fascinant, pareil, de revoir ce film-là qui a représenté tellement... Aïe, aïe. Moi, il y a un film que j'ai découvert cette année qui a comme passé sous les radars. Je trouve ça dommage parce que les critiques avaient été très bons. Moneyball avec Brad Pitt. J'ai adoré ce film-là. Comment que on a exposé à l'écran l'histoire du coach des A's d'Atlanta, des A's d'Oakland, qui avait, par un logiciel d'un gars du MIT, créé son équipe pour, avec un budget de 20 millions, réussir à faire une place dans les séries au début des années 2000. Plusieurs équipes s'en sont inspirées, autant au hockey qu'au baseball. J'avais adoré ce film-là. Brad Pitt est un acteur que j'aime me surprendre. Autant je l'ai détesté dans Meet Joe Black, autant dans Mercer et Madame Smith, que j'ai adoré, autant dans Moneyball. Wow! C'est juste dommage que ce film-là risque de passer sous les radars. Je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont vu à part. Les critiques disent que vraiment c'est une des meilleures performances de Brad Pitt depuis Entretien avec un vampire, mais sérieusement, j'ai aucun doute du talent de Brad Pitt. Là. C'est sûr, c'est un acteur vraiment phénoménal, là, mais la seule chose que je retiens pour Moneyball, parce que je n'ai pas vu le film, c'est la soundtrack. Ça, c'est ici le Money Talks, là, puis c'est bien en masse pour l'instant. Pour partir sur un autre film, je me projette dans le futur parce qu'on est pas loin du sujet des super-héros. Ouais. Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield et Emma Stone, on fait quoi avec ça? Est-ce que c'est un remake poche du premier Spider-Man ou on va y aller avec quelque chose de... Parce que, écoute, j'ai regardé les trailers pendant que vous jasiez de Moneyball. J'ai l'impression que j'écoute le même trailer mais avec un acteur différent. C'est ça. Pas grand changement, on s'entend. C'est un nouvel ennemi également qui va arriver. Ben, un des originaux de Lizard qui va être là pour le Amazing Spider-Man. Donc, c'est Mark Webb. Mark Webb a quand même réalisé 50 Summer que j'avais bien adoré, qui a relancé la carrière du gars de Third Rock from the Sun, qui est Joseph Gordon-Levitt. Ça avait été une belle découverte, un petit film indépendant. Alors, je fais quand même confiance à Mark Webb. Peut-être qu'il va amener une vision différente de Sam Raimi. Le deuxième Spider-Man, je l'avais vraiment aimé, par exemple. Comment, Steve? Ben moi, je suis pas convaincu sur le nouveau parce que, justement, si tu regardes la bande-annonce, ce qu'on voit à la première personne me fait vraiment penser à Doom. Ouais. Puis j'ai peur. Ouais. C'était pas Dark Mirror. On l'avait le jeu la semaine dernière. Le jeu de EA, le Dark Mirror. Dead Space. Mirror's Edge. Ouais, Mirror's Edge. Il avait comparé ça à Mirror's Edge. Tu voyais justement de Spider-Man. Tu voyais les deux vidéos, là, puis c'est exactement la même chose. Hein. On jurait que c'est du papier-collé avec Mirror Edge. Y a-t-il quelqu'un qui a eu la chance de voir The Artist? Non. Non. Moi non plus. Mais apparemment que ça vaut vraiment la peine. Jean Dujardin. The Artist ne serait même pas en nomination pour le meilleur film étranger, tellement qu'il paraît que c'est bon. Il pourrait carrément sauter meilleur film de l'année. C'est pas déjà fait, ça? Je sais pas. Les nominations. Je pense que la nomination a été donnée, si je peux. Pour les Golden Globes, peut-être. Ah oh, oui, c'est vrai. Les Oscars sortent après, mais Jean Dujardin, moi, des fois, me surprend. Si on oublie Brice Denis et OSS, comme que je parlais tantôt en briefing, c'est un acteur qui peut être surprenant. C'est un film que j'ai hâte de voir. C'est juste dommage qu'en France soit déjà sorti depuis à peu près plusieurs mois. Mais pour un film qui nous parle du cinéma muet et on voit Jean Dujardin qui nous sort de ses sourires. C'est bien, bien pensé, bien fait au bon temps, je trouve. Il y a une expression qui me fait dire il a très bien son rôle, personnellement. Là. Tu vois. OK. Ah, bon. Je suis sur le site des Golden Globes. Brad Pitt en nomination pour Moneyball. Leonardo DiCaprio pour G. Edgar, ça, c'en est un autre que j'ai hâte de voir l'an prochain, cette année, parce que je n'ai pas eu la chance de le voir. 50-50, y en a-tu qui ont la chance de le voir? Non, ça avait l'air excellent, l'histoire, par exemple. Moi, je suis un gars qui aime pas beaucoup les histoires tristes de cancer, le truc, ça me déprime plus que d'autres choses, donc j'ai pas été le voir à cause de ça. Mais ça a l'air d'une histoire très, très intéressante pour ceux qui l'ont vu, bien sûr. Fred, faut pas t'oublier, les films avec un malade et quelqu'un en pleine santé fonctionnent toujours. Rain Man, ouais. Du cash. Ça a toujours bien fonctionné. Bon, tu vois, The Artist, Best Motion Picture, Comedy or Musical. Midnight in Paris, qui était le dernier film de Woody Allen. Oui, puis justement, Lynn vient justement nous envoyer le lien par rapport à l'artiste, justement, qui est donc. Elle a fait de la critique, c'est une de ses chroniqueuses qui a fait de l'article, donc le lien oui, justement dans le chat. Puis on va leur poster sur Twitter, donc allez voir ça. Elle l'a posté justement sur Webmascara, webemascara.ca, donc allez voir ça. En regardant la fameuse liste, justement, que tu viens juste d'aller, Je suis surpris de ne pas avoir vu plus de nominations pour le film Drive, un film que j'ai mis premier sur mon palmarès 2011 des films. Un film silencieux, un film lent, mais tellement bon. Tu rentres dans l'esprit du personnage. C'est avec Ryan Gosling. C'est un gars qui est payé pour faire le transport des criminels qui veulent aller soit voler une banque, soit faire un crime, peu importe. Donc lui, il leur donne un délai de 5 minutes. Puis il va leur dire, faites ce que vous voulez, moi j'attends devant. Si vous revenez pas, moi je m'en vais. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on reste toujours près du personnage. On s'en va jamais. Comme s'il arrive devant la banque pour faire le vol de banque avec les autres criminels, ben on va rester la caméra dans l'auto. On va voir ce qui se passe pendant qu'eux font leur vol de banque. Il y a une histoire d'amour là-dedans avec sa copine et un autre gars qui est en prison, qui est très, très, très intéressante. Si vous cherchez un film, vraiment un film relax, slow, pas trop de dialogue, vraiment juste de l'émotion, je vous le conseille fortement. D'après moi, la raison pourquoi il n'est pas en nomination, c'est que c'est un film d'action. Ben non, justement, c'est pas un film d'action, mais pas du tout. Là. C'est un gros drame lourd. Je suis surpris, on parlait de surprise, justement, Jean Dujardin est en nomination pour The Artist, pour meilleur acteur. Oh! Et oh! Yeah! Ça, je suis content. Je pensais qu'il était trop vieux pour qu'il soit en nomination. Ryan Gosling pour Crazy Stupid Love. Ça, c'était une belle découverte sur DVD. J'ai adoré ce film-là. Steve Carell est comique. Un gars de 40 ans qui vient d'apprendre que sa blonde l'a trompé, qui est Julianne Moore, sa femme, et décide de devenir un player. Un peu comme Barney Stinson dans I Met Your Mother. Et il se fait coacher par Ryan Gosling. Et c'est hilarant de voir comment que Steve Carell peut passer du gars qui ne sait pas communiquer aux femmes, qui ne fait que parler des gaffes que font ses enfants, à le best player. C'est surtout, là je vais te dire un spoiler, il s'en va à l'école, il s'aperçoit que le professeur de son fils est une fille avec qui il a couché, et sa femme s'en aperçoit comme, et là, sa femme, je t'ai trompé avec un homme. Avec combien de personnes t'as couché depuis qu'on est plus ensemble? 9. Steve Carell, la face de Julianne Moore. 9? Steve Carell qui a comme aucun sex appeal. Que Ryan Gosling a vraiment remodelé son image pour dire « Tu vas cruiser, mon gars. » Et là, il rentre dans le bar. Il pointe les filles. Et les filles, ils le regardent comme « Hey, beau bonhomme. » Steve Carell, beau bonhomme. C'était une belle découverte. Emma Stone aussi joue là-dedans. Elle fait bien le rôle de la fille qui veut bien se caser et tout. Et qu'elle voit que elle, les relations stables, ça sera pas fait pour elle. Je suis surpris, je suis content pour Ryan Gosling, Crazy Stupid Love, qui a justement joué dans Drive. Non, je suis surpris. À part de ça, Jodie Foster, Carnage, oui, mais Jodie Foster, n'importe quel film qu'elle va faire, elle va être en nomination. Michelle Williams pour Ça passe VIP. Ouais. Michelle Williams, My Week with Marilyn, je regarde les previews. Je sais pas. Peut-être qu'elle l'a bien, mais je sais pas. Ce film-là m'attire pas. Bagnole 2, y en a-tu qui l'ont écouté? Non, ça doit être aussi bon que c'est des Jacques Villeneuve, parce que dedans... Écoute, moi, je l'ai écouté à moitié parce qu'on était d'un souper, puis les enfants l'ont écouté, fait que ça parlait d'un bar, puis le film jouait de l'autre. J'étais comme un peu entre deux, mais d'après ce que j'ai pu voir, l'histoire a l'air d'être quand même assez intéressante. On s'entend que c'est un film pour enfants aussi. Hein. Ben, moi, je l'ai vu et je trouvais que c'était... on avait mis de côté Flash McQueen. On était plus sur le Towing, là, que je m'appelle déjà plus son nom. Là. À terre. Ouais, c'est ça. C'était plus son film à lui. Je sais pas si c'était parce qu'il y avait un problème avec Owen Wilson qui était pas disponible à full time. Là. Mais non, je sais pas. Bagnole 2. Je pense que c'est plus l'histoire qui fait qu'il. Parce que l'histoire se passe pas vraiment autour de la course. Oui, un petit peu. De la course de Flash McQueen, mais c'est surtout, puis les bandes annonces ont été faites aussi en fonction de Mater, là, ont pas été faites en fonction de Flash McQueen, puis c'est Mater qui est comme mêlé au centre d'une opération d'agent secret, ou fait que je pense que c'était voulu, là, c'était pas un manque de disponibilité. Ouais, ben c'est ça, parce que non, ben moi, c'est comme le premier Cars était vraiment le film de. Un film de voiture, de course et tout. Et là, j'essaie de retrouver le film qu'ils nous ont annoncé juste avant Bagnole 2 sur le DVD. J'essaie de le retrouver. Si je le retrouve, je vais vous en reparler. C'est un film. C'est comme un dérivé. C'est un film sur les avions militaires. Tu regardes la pub et t'es comme, oui, tu vois l'avion monter et c'est Bagnole, mais en Top Gun. Je sens que celui-là, avec la Rousse, je crois, qui sont deux bons projets que Pixar nous annonce pour les prochaines années. Là. On va regarder ça. Là. Et là, il y a Frankie, justement, qui parle de Darkest Hour. Vous pensez quoi de Darkest Hour? Je l'ai pas vu, lui. Moi non plus, pas entendu parler. Ça me dit rien non plus. Je pense que ça a passé un peu dans l'ombre. Je vais aller voir ça, je vais regarder ça. C'était-tu, à moins que je me trompe, je crois que c'était un projet de... que c'est Chris Coward. Ben, il n'est pas sorti encore. Il sort pour le 25 décembre. Ouais, ben c'est ça. Oui, il sort pour le 25 décembre. Avec donc, Emil Hirsch, monsieur Girls Next Door, puis Speed Racer. Crépuscule, en fait. C'est ça, donc c'est ça, c'est le prochain film d'horreur, style d'horreur. Okay, là. Il sort juste le 25, décembre, il n'est pas sorti, donc c'est ça, donc il n'y a vraiment pas rien la date. Là. Mais j'aimerais placer un film qui est sorti au début 2012. Je vais dire salut à mon ami Frank, parce que c'est un film qu'on attendait beaucoup, moi puis lui. Ça s'appelle Hobo with a Shotgun. Ah, ça, oui. Oui. Est-ce qu'il y a du monde entre vous qui l'ont vu? Moi, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu, moi. C'était Sans abri, sans merci, là, en version québécoise, parce que oui, la version française, c'est pas Français de France, c'était vraiment doublé québécois à la slapshot. Puis c'était vraiment le film que j'attendais beaucoup, parce que je sais pas s'il y en a d'autres qui l'avaient vu, mais tu sais, Grindhouse, qui était sorti il y a quelques années, qui était un film collaboration de Tarantino et Rodriguez. Tu sais, entre les deux films, il y avait des fausses bandes-annonces. Puis avec un Machete. Et moi, ça me Machete faisait aussi. Moi, ça me faisait penser à Machete, justement, quand je l'avais vu. J'avais bien aimé l'action. Des fois, il nous en faut des films comme ça, là, des films que, OK, gore, pas de scénario, tu t'assis, ben relax, puis c'est comme, tu vois, des têtes qui s'arrachent, comme Expendables 2, qui va être Norris, Van Damme, Ludwig, Stallone, Willis, Schwarzenegger. Et mon casting masculin à côté à l'os. C'est ça qui est fun de ce genre de film-là. Je veux des films de testostérone. Je veux des gars avec des guns. Je m'ennuie de Commando. Je m'ennuie de Rambo, des fois. Non, mais ça fait du bien aussi, c'est ça, d'aller au cinéma puis de pas se casser la tête à savoir c'est quoi l'histoire, c'est quoi l'intrigue, c'est quoi... Regarde, on est là parce qu'on veut de l'action, parce qu'on veut... On veut que ça brasse, on veut qu'il y ait... un peu comme le dernier Die Hard. Ça a été la même chose, tu allais là, puis tu allais pas là pour l'histoire ou pour le plus ou moins. Là, ça brassait, là, on s'entend-tu que quand il est sur l'avion, là, sur l'autoroute, puis qu'il se fait attaquer... Là, Il y a Sam, justement, qui dit Fright Night, ben du genre vampire, vous avez dit vampire. Personnellement, là, je vais dire exactement ce que je pense de Twilight. Il y a trop de films de vampires, c'est assez. Oh, on a déjà assez de Twilight par année. Ah, ça n'a pas de bon sens. Là, il y a le prochain qui arrive le dernier l'an prochain. Là, mais là, personnellement, là, pour moi, les vrais films de vampires, je le rappelle, je l'ai dit tantôt quand on parlait de Brad Pitt, le vrai film de vampire que tout le monde doit avoir vraiment, c'est Entretien avec un vampire, avec Tom Cruise également. Les stades sont vraiment... Même moi, gars, je les adore. C'est ça, des vampires, des charmeurs, des bêtes dans le noir en plus, qui sont vraiment imprévisibles. Tu veux pas un vampire qui est clair et qui a des lèvres rouges. Je m'excuse, là, mais toi, c'est une aberration. Ouais, mais vous pensez de quoi de True Blood à ce moment-là? C'est gore, non, c'est violent, c'est... True Blood, c'est autre chose à part. Moi, je trouve ça vraiment bon, True Blood. J'ai écouté pas mal toutes les saisons. C'est excellent, c'est bien fait. Elle est là. Oui. Ouais. Hein? Ben, c'est ça. Ah, mais oui, Lynn Boo, ben oui, elle dit la petite Kristen Dunst. Ben oui, c'est là qu'elle avait commencé sa carrière. Kristen, là, était phénoménale. Elle est en nomination au Golden Globe en plus pour son rôle. Dans Mélancolia, que j'ai hâte de voir, on l'a pas nulle part. J'ai cherché pour le voir. Moi, je suis un maniaque de Kirsten Dunst. J'ai tous ses films, sans exception, comme quelqu'un qui est fan de Céline Dion. Moi, c'est Kirsten Dunst. Et Mélancolia, l'histoire. On nous dit rien. C'est pendant un mariage, il y a une planète qui est Mécanocolia qui risque de s'écraser sa planète. C'est ça l'histoire. Et Kirsten Dunst avait gagné à Cannes meilleure actrice. Wow! J'étais content, moi, là. Alors, j'ai hâte de le voir, ce Mélancolia-là. Et on revenait à Fright Night. Moi, j'ai pas vu Fright Night parce que Colin Farrell, je suis pas capable de le sentir. Non. Et True Blood, tu ne peux pas comparer ça parce que True Blood, c'est une classe à part. C'est pas un film d'ado sur les vampires. C'est une série de romans gore sur les vampires qui ont... Et d'autres bébêtes, ouais. Et c'est HBO. Sérieusement, as-tu déjà vu une mauvaise série de HBO? J'ai pas vu souvent, maintenant. C'est l'air travailleur qui fait justement... Oui, Mélancolia, c'est ça. On parle des films de vampires aussi. Il y a Blade aussi qui est marquant, le premier Blade. Je dis bien. Attends, Robert, ouais, Sam, peux-tu me répéter ça, s'il vous plaît? Tu dis ou me confirmer à l'AMC du Vieux Forum, j'aurais Mélancolia, s'il vous plaît. Confirme-moi ça sur Twitter, sur Justin. On me dit qu'à l'AMC du Vieux Forum, on pourrait voir Mélancolia. Il faudrait un AMC dans Rive-Sud, s'il vous plaît, là, ou quelque chose. Moi, par exemple, des films qui n'étaient pas nécessaires cette année, là, Final Destination 5 puis Scream 4, je me demande pourquoi. Non. Scream 4, c'était nul. Il y a vraiment des limites. Quoi? Vous avez pas aimé Scream 4? Ben, Scream 4, je sais pas. Wes Craven, là, c'est une recette qu'il fait depuis toujours. Là. La petite fille adolescente qui se fait attaquer par le gars qui est jaloux parce qu'elle a jamais voulu sortir avec. Puis là, le gars tue tout le monde, dont toutes des gangs d'anorexiques, dont Emma Roberts qui se fait tuer dans... en tout cas, moi, je sais pas. C'est pas pour spoiler la fin, mais c'est la fin, moi, qui a tout scrappé. Le film, je l'ai trouvé quand même bien, quand même entertainer. Puis là, la fin, ce qui se passe... j'y ai pas cru. J'ai trouvé ça ridicule. Franchement, j'y ai pas cru. T'as compris un peu l'ironie du film, d'un peu? Ben, c'est sûr que Wes Craven a toujours une ironie. Il fait toujours des retours. Je me rappelle, c'était qui faisait le rôle? C'était Jamie Kennedy, qui amène toujours la règle des séries de films dans les Scream. Il fait toujours la règle des trilogies. Et dans le Scream 3, il avait bien amené cette règle-là que le Scream, la troisième a un lien avec le passé, un lien avec le futur. Et c'était justement quelqu'un qui avait quelqu'un qui voulait pas se venger de Neve Campbell, ou en tout cas il avait bien amené ce lien là et c'est sûr que Wes Craven l'avait bien amené aussi dans Scream 4, mais c'est juste que je me disais il était trop, Neve Campbell ne faisait plus rien, Courtney Cox faisait plus rien, David Arquette faisait plus rien. Pourquoi que si on avait enlevé ces trois rôles là peut-être. Mais ouais, peut-être. La raison pour laquelle c'était très réchauffé. C'est le problème. Mais j'ai pas trouvé que c'était tant réchauffé que ça parce que je vais parler un peu pendant longtemps. Je vais expliquer mon point de vue de pourquoi j'adorais Scream 4. C'est que comparé au troisième que nous avions fait, j'avais vraiment pas aimé le troisième. Celui-là, c'était vraiment plus comme un retour aux sources. C'était pas un reboot, mais revenir un peu aux origines du premier. Puis c'est pour ça que j'ai adoré. Puis, tu sais, on regarde ça depuis une dizaine d'années. Les remakes de films d'horreur des années 80, 90, ça revient à mode pas mal, là. Ouais, on s'entend, les remakes réussissent jamais à arriver vraiment à taille de l'original, tandis que Scream 4, la manière que ça finit, où Scraven voulait juste un peu se moquer, dans le fond, de tous ces remakes que les réalisateurs font ces temps-ci, depuis les 10 dernières années, puis qui sont pas bons. À la fin du film, quand Neve Campbell a dit « Don't fuck with the original », c'est justement ça, c'est justement pour rire de tous les autres remakes qu'on fait dans les dernières années qui sont pas bons, puis c'est ça que j'ai adoré du film. C'est rempli de clin d'œil. Si tu le regardes dans une nuance comme ça, ouais. Ben, c'est comme Final Destination 5. Excusez-moi, c'est rendu un nouveau ça. On engage un réalisateur qui sort de l'école de scénariste. On sort des acteurs qui sortent de l'école de théâtre. On fait un nouveau Final Destination 5. Puis merci, là, notre film qui va avoir coûté 20 millions. Ça, c'est la même chose. On allait chercher des nouveaux acteurs no-name. On faisait un film d'ado. Pitcher, merci, ça a coûté 20 millions, ça fait 200 millions là-dessus. Final Destination 5, moi, c'était la même chose. C'est les consommateurs qui sont totons de tout le temps payer. Un peu comme les jeux vidéo. On étire la sauce à 27$ pour 2 heures de visionnement. C'est ça, on étire la sauce, puis on étire, puis on étire. À un moment donné, c'est justement, ça finit comme Shrek, mais il paraît que Jean-Marc, c'est carrément un autre sujet, mais c'est tant mieux. Le dernier. Passing the Boost, c'est justement le chat poté, qui est un film d'animation justement avec le chat joué par Antonio Banderas. Ce qui paraît, il est quand même pas si pire, là, cet épisode-là, vraiment concentré sur le chat et le chat mousquetaire qui toujours ces petits clichés qui reviennent à partir de Shrek 2 avec ses petits yeux cute ou les clichés, c'est des vrais chats qui courent après des lasers. Mais c'est ça. Mais moi, je l'ai pas vu. Je m'en souviens, j'avais vraiment adoré le personnage dans Shrek 2. Là. C'est mon côté enfantin qui a fait que j'ai apprécié le personnage. Mais à un moment donné, avec Shrek, il dit « On ramènera pas Shrek, je m'excuse. » Puis après ça, l'année d'après, t'as un autre personnage de DreamWorks. Donc, je m'excuse. C'est sûr que c'est un petit peu d'étirer la sauce. C'est vraiment ça. Mais peut-être que le chapoté va me faire mentir, mais je l'ai pas encore vu. Mais à ce qui paraît, c'est pas si pire que ça. Si je voulais. Ça va être quoi le prochain film? Les souris aveugles, après ça, le cochon, les trois petits cochons, après ça, c'est facile. Ouais. Non, ben c'est comme. Ils ont fait Kung Fu Panda 2 aussi, là. Je sais pas, on dirait que DreamWorks ont de la difficulté à avoir des scénarios originaux comparés à Pixar. C'est ça. Et non, c'est comme ça, bon, avec le premier Shrek, c'était différent. C'était très beau d'ailleurs, là. Je m'excuse de mes six. À partir du. Le deuxième était bon, le troisième, so-so. Le quatrième, je l'ai pas vu, j'ose vraiment pas. Le quatrième est mieux que le 3. Oh. Le quatrième. Le quatrième avait bien aussi. Fermé. Non. Bien ça fermé. A bien fermé mais... aussi. Moi, par Kung exemple. Kung Fu Panda, c'est pas le nom de la prochaine extension de World of Warcraft, ça? Quoi ça? non, c'est deux films mauvais. Mais il y a Rob de Sam. Rob de Sam qui disait genre, oui, sauf que Décadence 1 était bon. Oui, le premier, c'était surtout un meilleur de la gang, mais tu regardes les autres. Il y en a une couple d'eux autres dans les derniers qui étaient bons, mais quand. T'arrivais à un par année, excuse-moi, mais c'était tellement exagéré. Puis le dernier, le septième en 3D, c'était tellement, excusez-moi, mais de la crap. C'est ça, c'était ben, pas c'est bon. Ça, je vraiment des films 2, les films 3D, il y en a de plus en plus. Là, il va y avoir les remakes, ben, les re-releases de Star Wars. Non! Là, on a des Strums en plus. Tintin, qui vaut peut-être bien plus la peine. Là, est-ce que le prochain, Twilight, va-tu être en 3D pour que ce soit encore plus dégueulasse? Non, je voudrais même pas qu'il me fasse payer pour ça. Ah, c'est sûr, mais le Harry Potter, ça m'aurait pas dérangé de le voir en 3D. Oh. C'est sûr qu'au moins, lui, ce film-là, il était bon. Mais vraiment, c'est souvent des films mal exploités, mal faits, qui sont pas très bien faits en 3D. Ouais. Puis même Twilight n'avait pas besoin d'être en 3D pour que ce soit un gâchis. Mais, j'ai vu le premier film, sérieusement, j'ai vu le premier film, et... j'ai ri. Pour moi, c'était une comédie. Ben, même ceux qui ont écouté les premiers films de Twilight l'ont dit que le dernier, là, c'était ridicule. Là. Ça n'avait pas de sens avec les autres. Là. C'est... Ouais. Puis... Voir un bébé brillant 3D, oh boy. On parle de... Être aveugle puis pas à peu près. Ben, on parle des vampires qui brillent. Là. Il y en a beaucoup qui l'ont remarqué que dans le dernier... Du moins, en tout cas, plus que ça allait dans les films, puis moins que les vampires brillaient. Oui, c'est vrai, on me l'avait fait remarquer, puis j'avais remarqué aussi dans le trailer, au mariage, quoi, là. Tu vois se marier, puis c'est comme, il n'y en a aucun qui brille, tout le monde est correct, blanc, là. Ouais. C'est comme. Ah, c'est clair. Mais là, si on reste sur le sujet des poubelles, aviez-vous d'autres commentaires à faire sur Twilight? Non. Sur Twilight, non, mais je voulais. C'est parce qu'on glissait un mot de 3D, puis j'aurais aimé ça plugger. Okay. C'est Linbo qui va être contente parce que là, je vais plugger mon show. Là. Mais on a eu Denis Lalumière de Cybermaniacs ce matin sur au Weekend des Gamers. Puis lui, il nous confirmait qu'il est allé voir Ghost Protocol, le dernier Mission Impossible. J'ai hâte! Ah ouais. Puis il dit que si vous avez la chance, parce que c'est sûr, moi en Abitibi, je n'irai pas le voir au IMAX. Là, mais c'est aller le voir au IMAX en 3D. Apparemment que ça vaut vraiment la peine. Puis il parlait d'une scène en particulier. Je me souviens pas si c'est... La c'était scène dans un palais, je sais pas trop. Ouais, c'est un immeuble, je me souviens plus c'est lequel. Puis il dit qu'en 3D, là, le monde se tenait sur le siège puis avait le vertige. Mais c'est le tellement premier était film... Bien fait, c'est le premier film live de Brad Bird qui est le gars derrière The Incredible. Et... Tout le monde avait des doutes parce que le gars, c'est un spécialiste des films d'animation et là, il faisait son premier film live. Et les critiques avaient été bonnes pour J.J. Abrams pour le Mission Impossible 3. Et pour Ghost Protocol, ceux qui l'avaient vu en avant-première avaient bien aimé le côté rassembleur de Brad Bird pour Ghost Protocol parce que là, on dit que c'est vraiment un team. C'est plus juste Tom Cruise dans le catch. Je ne sais pas si je me trompe, là. C'est ça que moi, j'ai eu la chance de lire. Alors, c'est pour ça que j'ai hâte. Je suis un fan de Tom Cruise. On oublie là, son côté extérieur, là, à l'extérieur des caméras. Moi, c'est un de mes acteurs qui me fait le plus vibrer au cinéma. C'est pour ça que j'ai hâte de voir ce film-là. Ouais, c'est ça. Tom Cruise, c'est quand même un maudit bon acteur. Puis pour moi, son meilleur rôle, là, à part Mission Impossible, Le Dernier Samouraï. Si j'avais un film à voir au moins avec Tom Cruise, là, c'est Le Dernier Samouraï. Je me passe pas de le voir, ce T'as film-là, jamais tellement vu que Top c'est Gun, bon. toi, ça paraît, là. Ça paraît, mais. Ça paraît, mais Le Dernier Samouraï, sérieusement, là, Dernier c'est. Samouraï, non. Mais moi, je l'ai aimé. Non. Oui. Non. C'est pas dans ses meilleurs, là. Top Gun. Ok, Il t'as y en a pas du. aimé, le samouraï, dis-moi, est-ce que t'as aimé Avatar? Non. Ok, une Non. chance, parce que si tu m'avais répondu oui, j'aurais fait comme, t'as pas remarqué que c'est carrément le même mot de scénario? Non, excuse-moi. Avatar, c'est Pocahontas. Oui. Et de la samouraï, et il danse avec les loups, et plein d'autres films dans le genre. C'est un copier-coller du scénario total. J'ai Pourquoi jamais t'as compris juste pourquoi que le manqué monde a aussi tant trippé fucké? sur Avatar. Là, j'étais content. Quand Effets j'étais un. spéciaux. Des effets spéciaux, Oh, ouais. come on! C'est pas mal ça, j'irais dire, là. J'ai vu un film, Début là. de la 3D. J'ai vu un film, là, 15, là, 13 ans, que l'animation était mieux faite qu'Avatar. Hein? Final Fantasy. Le premier Final Spirit Fantasy. Within? Ouais, c'est ça. Oui, le scénario n'était pas Final Fantasy, mais excusez-moi, mais j'ai plus aimé l'animation dans ce film-là que dans Avatar. Puis ça. Il n'est pas sorti il y a 13 ans, il est plus récent que ça, pareil. Non, je te parle le premier, là, avec Aki, là. Le premier vrai Final Fantasy, film de Final Fantasy. Je vais te le retrouver, là. C'est un film Ouais, de 2003. parce que le deuxième, c'est Advent Children, puis lui, il reprend vraiment Ouais. l'histoire de Final Fantasy VII, là. C'est Ouais, mais celui qui a été ça, fait c'est deux, ça qui trois fait ans avant. cœur, Final Fantasy, les créatures de l'esprit, que hein? je te C'est ça, parle. Spirit Within, je pense. C'est ça. Il y avait sorti, je te donne, 2001. Ah ben, c'est ça. Eh, Ça c'est te quand dit, il est même sorti. Ça te dit, il est 2001, il sorti il y a spoil. 13 ans. Ben, on est en 2012. C'est ça, mais hey, 2001, c'est t'avais le premier Harry Potter, t'avais le premier Seigneur des Anneaux. Demain, ça va faire 10 ans que le premier film est sorti. Le premier Seigneur des Anneaux. Hey, ça passe vite, hein? Immortals. Ouais, ben écoute, je voulais partir sur Immortals vite vite pour ma poubelle, à moi, hein, cinématographique. C'est précipité. Excuse-moi, une espèce de suite, sans être une suite de 300 avec la même gang, si je Ah! suis pas fou, qui fait le Ouais, ouais, film. ouais. Si vous aviez vu le trailer, en gros, chers auditeurs, vous avez vu le film. Le trailer est bourré de moments d'action, mais je vais être franc avec vous autres, sur 2 heures et demie, je pense que le film a duré, il y a eu à peine 10 minutes d'action. Tout le long de ce film-là, c'est du jasage de théories de dieux grecs, puis de Si, puis d'Athéna, puis de Zeus. Puis, si t'as vraiment pas étudié en histoire grecque, là, tu vas te perdre dans ce film-là. C'est juste du blabla, blabla, blabla, tout le long. Et c'est ça, on a un beau 10 minutes d'action à la fin là, pour clore ce film-là. Henry Cavill qui fait Thésus est supposé d'être le prochain Superman, t'en penses quoi? J'en pense qu'il devrait rester chez eux dans son lit. Oui, aïe. Jeu d'acteur, j'ai trouvé vraiment pas bon. Sa mère, au début du film, c'est pas un spoiler, sa mère meurt devant lui. Il doit avoir l'émotion d'une poule pas de tête. C'est vraiment. En tout cas, jeu d'acteur est nul. Mickey Rourke, qui fait le rôle du roi, bon, méchant dans ce film-là, a autant aussi d'émotion qu'une scène noire. Ouais, mais il y a Euh, autant de il est. crédibilité aussi qu'une Ben, scène noire. aussi autant de crédibilité, effectivement. Juste quand j'ai vu le trailer, puis qu'ils ont une espèce de casque, qui ressemble à une espèce de casque de lapin avec des dents, Écoute. excuse-moi, t'as pas l'air très méchant. Puis, je vous dirais, je pourrais vous réciter toute la liste d'acteurs de ce film-là, mais on s'entend que la liste d'acteurs de ce film-là, c'est comme le VIP au gym, là. C'est juste des torses super musclés. C'est juste des belles filles, des belles Athéna, puis des belles Phaedra. Peu importe les acteurs que tu veux. Puis, comme je disais, Mickey Rourke, extrêmement violent dans ce film-là pour aucune maudite Oui, raison. mais Mickey Eh mon Dieu. Rourke, à part 9 semaines et demie et The Wrestler, y a-tu vraiment fait de quoi d'après toi? Ah, beaucoup de drogue. Beaucoup Remember. de Il a fait Whiplash dans Remember 2, mais c'est tout, là. Oui, mais Whiplash, regarde, là, c'était. Non, regarde, Iron Man, c'est Robert Downey Jr., puis c'est l'ordinateur, là. Ouais, mais c'est ça. Mais il était dans. Mais Mickey Rourke était là-dedans. Fait que moi, je dis ça de même. Oui, mais t'agardes pas ce film-là pour Mickey Rourke. T'agardes ce film-là pour Iron Man parce que tu veux être c'est Iron ça. Man. Ça en plaît, ça. Puis tu regardes ça pour l'action aussi. Fait que, tu sais. C'est pour continuer. C'est plate, plate, plate, mais plate. Puis en passant, les dieux dans le film ne sont pas autorisés à communiquer avec les gens de la Terre. Fait que si vous entendiez à des grosses conversations entre les dieux et les humains, ben non, on switch à chaque fois du ciel à la Terre. Moi, un autre film que j'ai vu qui pourrait être considéré comme une poubelle, c'est Change Up avec justement Ryan Reynolds, qui reprend une formule qu'on a vue 1 000 000 000 de fois, qui est deux personnes qui veulent changer de corps et d'esprit. Et on parlait tantôt justement avec Avatar de trop de films faits à l'ordinateur. Là-dedans, tout est fait à l'ordinateur. Les bébés sont faits à l'ordinateur. tout. Il n'y a rien qui n'a pas été fait à l'ordinateur. Même une. Je donne un spoiler. Ryan Reynolds fait un gars qui couche avec toutes les filles. L'autre acteur qui jouait dans Arrested Development fait le père bien placé. Et à un moment donné, Ryan Reynolds reçoit une des filles avec qui il couche d'habitude parce que. Je vous le dis tout de suite, ils ont été changés de place. Et la femme est enceinte. Et là, on voit le bébé bouger dans le ventre. Mais c'est tellement mal fait. Je pense qu'on peut voir le verre de l'habit pour faire le montage. Là, et on. Non, j'ai pas aimé ça. C'était des jokes qu'on a déjà vus mille et une fois. Et c'était beaucoup. Le réalisateur, c'est comme payer un trip de pipi cacapouelle. 2 heures juste des jokes comme ça. Aïe aïe. Non. Et j'ai pas trippé. C'était une poubelle. Tout comme Dwight Fast avec Nicolas Cage. Poubelle. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire pourquoi ce gars-là est capable de. J'en sors un bon, j'en sors 5 mauvais. Un bon, 5 mauvais. Un bon, 5 mauvais. Y a-tu quelqu'un? Il accepte n'importe quoi. Je veux dire, on dirait qu'à chaque jour sur son bureau, le matin, il y a une pile de scénarios. Il lit un peu, il dit: Ah, ça, je vais le faire. Ça aussi, je vais le faire. Ça, je vais le faire. Ça aussi, je vais le faire. C'est. Je pense qu'il a refusé Lord of the Rings, en tout cas. Et que, tu sais, je te dis, Nicolas Cage, il est capable du meilleur comme du pire. Il a failli faire Superman, hein? Oh! Oui, il y a une époque, c'était un des premiers. C'est un grand collectionneur de bandes dessinées, si on ne le mentira pas. Il était en liste pour faire Spider-Man. Il avait fait, Ghost Rider. Donc, le 2 s'en vient, hein? Aïe, aïe. Et juste pour mauvais marketing, oh et juste pour mauvais marketing encore du côté de Columbia, on le sort à Saint-Valentin. Oh. Ah! je sais Hey, chérie, on fait une petite soirée romantique, on s'envoie Ghost Rider 2. Oh. Rider 2. Après ça, ma belle, hashtag out. Hangover 2, y en a-tu qui l'ont vu? Non, pas encore. Non. Poubelle ou pas? Le 1 était bon. Le 1 était original, je trouve. Le 1 était excellent. Je l'ai revu dernièrement à télé. Je pense que c'était la 172e fois que je le voyais. Puis j'ai eu autant de plaisir à le regarder. C'est un film intemporel, selon moi, Hangover. Ah, moi c'est le fait quand il trouve les morceaux petit peu par petit peu, puis c'est comme on a fait ça. Mais vas-y. Ben non, vas-y, continue, je vais parler après. Ben moi je sais que je voulais embarquer sur un autre film. OK, ben moi aussi je voulais embarquer sur une autre poubelle que je voulais parler. Lequel? Priest, prêtre. Oh, oh my non. God. Ah. ben c'est pas la première fois que comment il s'appelle? Paul Bettany? Ouais, qui fait des poubelles. Il avait fait Angel, je pense, il y a deux ans, oui. Là. qui était un ange qui descendait du ciel pour protéger le dernier fils. Cet acteur-là, des fois, on dirait qu'il cherche à faire quelque chose, à faire des. Pourtant, il avait été bon dans Un homme d'exception quand il faisait le personnage imaginaire. Je sais pas pourquoi qu'il se casse la tête à faire des mauvais blockbusters de même. Bon. Il veut de l'argent. Bon. Puis film québécois, juste rapido presto, parce que c'est quand même important, c'est quand même chez nous. Des gros films, Starbuck, Jerry surtout, puis peut-être aussi, il y a un autre film également qu'on parle beaucoup de Philippe Falardeau, je crois. Je sais plus c'est quel qui était supposé être considéré. Oui, Monsieur Lazare, c'est ça. Donc, c'est trois grands films boudé, québécois hein? Là, cette année. Il est boudé. Oui, boudé. Puis, donc, Jerry, films québécois, on s'en fout. Je m'excuse, mais les films québécois, il y en a qui sont très bons. Le dernier bon film québécois que j'ai vu, évidemment, c'était Dédé à travers les brumes. Puis, c'est sûr, ça me donne le goût de voir Jerry. Mais, Alex, je suis pas ouais. Dans... Côté cinéma, je pense qu'on l'aura pas les deux. Jerry, j'ai pas aimé. Dédé, ma mère est une fan de Jerry, elle veut absolument voir ça. Dédé, j'avais hâte qu'il crève à la fin, là. Moi, j'avais comme pas trop long. Ouais, mais disons, quand, là, anecdote personnelle, je confie ça carrément à tout le monde. Là. Quand j'ai vu Dédé à travers les brumes, j'étais dans une passe vraiment difficile dans ma vie, puis ça m'a sauvé la vie, ce film-là. J'avais vraiment plus le goût de me suicider après ça. Là. Ah, désolé pour toi, Alex. C'est pour ça que le film m'a vraiment touché. Là. Mais fait non, Jerry, Dédé à travers les plumes, piché entre ciel et terre. À travers les plumes? Et mon Dieu! Dédé à travers les plumes. C'est le film de DreamWorks, je pense, hein? C'est un poulet. Mais non, c'est trois films que j'avais hâte. Un piché, j'espérais qu'il crash un avion par une surprise. On s'y attendait. Dédé, j'avais hâte de crêper. Jerry aussi. Non, c'est trois. Je sais pas, on dirait que TVA Films, justement, s'en vont vers le genre de film. On va faire des cas véhicules, ça va attirer du monde, et bien maintenant. L'histoire qu'on marche, connaît. Mais quand la performance de l'acteur ou l'actrice principale marque, le film souvent est bon. Mais Dédé, pour moi, ça va rester marquant. Je suis un fan des colocs. Puis c'est ça. Donc, tu sais, quand tu apprécies le style artiste, c'est sûr que tu apprécies un peu plus le personnage. Je sais pas. Mario Saint-Amand, peut-être qu'il a fait un bon job en tant que Jerry. On verra ça. Fait que c'est ça. Fait que, puis, je suis surpris. Je pense que ça a préparé notre prochain sujet tantôt. Donc, Oui, mais je suis surpris. Déjà d'avant, j'étais surpris qu'il ait choisi Mario Saint-Amand, qui est un no, ben pas un no-name au Québec, mais qu'on voyait pas souvent, parce que tout le monde disait « Ah, c'était Guillaume Lemaitre-Vierge. » Au moins, là, on aura plus Guillaume Lemaitre-Vierge. Non. Je pense qu'il n'aurait pas pu choisir mieux que Mario Saint-Amand pour faire Jerry, non seulement parce qu'il y ressemble, ouais. Puis quand tu as écouté le film, puis quand tu as connu Jerry, il y a les mêmes... Il a vraiment été chercher les mêmes mimiques, les mêmes mouvements... Quand il chante, c'est sûr que Mario Saint-Amand, dans certaines scènes, il fait semblant de chanter. Dans d'autres, il n'a pas le choix, il faut qu'il chante pour vrai. Il a la bouche va bouger très. Le lip-sync, c'est ça. C'est pareil à ce que Jerry faisait. Moi, je trouve qu'il a fait une très belle job, Mario Saint-Amand. Ouais. Il ne faut pas oublier que Guillaume le Métivierge, c'est pas le gars qui a eu des gros problèmes dans sa vie. On s'entend, il tripe sur le parachutisme. Là. Mario Saint-Amand, c'est un gars qui a eu des problèmes d'alcool, de drogue, je ne m'abuse, des trucs comme ça. Je pense que ça a été un meilleur acteur pour incarner le personnage parce qu'il a été un petit peu dans ce milieu-là, lui aussi. Il a eu beaucoup de problèmes. Ouais. J'imagine qu'il a pu transposer ça sur les faits vécus là, de sa vie. Ouais. Ben, c'est ça aussi que Lynn disait, elle vient de dire ça sur le chat. Mario Saint-Amand connaissait Jerry personnellement en plus. Mario Saint-Amand a été pour le film Jerry, ce qui a été Robert Downey Jr. par Iron Man, un bon casting, quoi. Oui, et Sébastien Ricard pour Dédé à travers les brumes, à mon avis. Sérieusement, là. Ben, pour moi, là, que c'est ça. Mais quand tu prends l'acteur et qu'il va bien, tout va bien. On va faire un bel enchaînement. On parlait de Jerry pour la musique. Je peux-tu me plugger un petit film vite? Ah oui, non? Vas-y. Pods, 10 et demi avec Claude Legault. Si vous avez pas vu allez écouter ça. C'est un des meilleurs films québécois que j'ai jamais vu. Je parle pas de 19-2, là, je parle de 10 et demi. Ah oui, excuse-moi. 10 et demi, c'est un jeune de 10 ans. C'est un jeune de 10 ans et demi qui est dans une maison de transition. Claude Legault, c'est son éducateur. Tu vis un peu la vie justement des jeunes là-dedans, comment ça se passe, et c'est pas facile, là, c'est bon vous dire. Conseil, allez écouter ça, allez vous louer ça, ça va être un heure et demie très bien investi. Oh, ouais. Mais justement, je m'étais confondu justement avec 10 et demi, puis 19-2, mais on va embarquer tout de suite série télé rapidement, là. Mais 19-2, c'est la série à voir encore, c'est la série cette année. Allez voir ça. Achetez le coffret DVD si vous voulez. Peut-être qu'il y a une deuxième saison qui s'en vient, supposément. Donc, 19-2, tout le monde doit voir ça. Mais avis aux âmes sensibles, parce qu'il y en a des fois, c'est vraiment c'est assez difficile à regarder, là. oui, mais il y avait suivi des vrais policiers pour le tournage, hein? Ouais, en plus, c'est devenu de vrais policiers, là, de vrais policiers en tant que tels qui font ce devoir-là. Puis ça se reflète carrément, c'est la vie quotidienne de vrais policiers. À Montréal, à Laval, peu importe. Donc, voilà. Donc, Mais il y a un film que je voulais plugger, je sais pas si vous avez vu ça au début de l'année, sorti en début 2012. Moi, encore une fois, un film que moi et mon ami Frank 7 sur 7, on entendait pas mal, c'est Sucker Punch de Zack Snyder. En version française, c'était Coup interdit. Je sais pas si vous avez vu ça. oui, moi je l'ai. Je je l'ai, l'ai j'ai vu. aussi. J'attendais beaucoup ce film-là parce que c'est Zack Snyder, c'était celui qui avait réalisé 300, puis Ouais. Watchmen, Les Gardiens, puis c'était vraiment deux films que j'avais adorés. Puis je me disais que la palette graphique qu'il y avait encore dans ce film-là, ça a sûrement été écœurant. Puis j'avais aimé, mais contrairement à ce que j'attendais, Sucker Punch m'avait pas mal déçu. On va faire une bonne transition, je pense. On parlait musique Ouais. avec Jerry. On va y aller avec vos CD de musique de l'année. Moi, je vais Oh rester silencieux parce que à part Bon Jovi, j'écoute rien sur mon iPod. oui. Ouais. Ah, ben, si Alex, tu veux me laisser commencer, Ben, vas-y, parce je que je vais vais en dire avoir à mon petit prendre. palmarès vite, vite, puis après ça, tu partiras sur le tien. Ouais, parce que je vais être Écoute, parti. moi, j'ai un top 4, si tu veux. Oui. Premier, Watch the Throne avec Jay-Z puis Kanye West. Bon, moi, j'adore le rap, j'adore le métal, j'adore tout. Mais cet album-là m'a fait triper. Chaque chanson est accrocheuse. Puis ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas comme les autres albums de rap. Les beats de fond sont aussi importants que les paroles. On verra pas de beats que tu as déjà vu dans d'autres albums de d'autres rappers. C'est vraiment quelque chose qui a été recherché, léché. La poésie de leurs paroles, c'est pas du moi, je suis un rappeur, j'ai de l'argent, puis screw tous vous autres. C'est ça, c'est pas assez. C'est beau, les chansons sont bien écrites, je vous le conseille fortement. Deuxième, bon, l'album est sorti en août l'année passée, mais il y a une réédition qui est sortie cette année. Oui. Suburbs d'Arcade Fire. Oh, Toujours un oui. incontournable, gagné un Grammys du meilleur album l'année Qui passée, ou peut lancer début d'année, je suis CD? sûr. Oui, parce que on entend un bruit de fond, mais justement, Voilà. Arcade Fire, belle mention, parce que justement, Excellent album. à la disque, justement, qui est venu justement me meilleur artiste Voilà. à l'échelle internationale, donc. Oui, ben, ils ont gagné en Europe puis ici, Oui. à quoi quelques jours d'intervalle, si je suis pas C'est fou. ça, même si l'album est sorti l'an dernier, il y a une C'est réédition, ça. ça a propulsé le groupe instantanément. Il y a eu Il était déjà très populaire Ouais, avec mais ça leurs a albums été. précédents. Ça a monté, Ouais. ça a monté, là. Hey, faut lever leur Plus loin. chapeau à eux autres. Ils ne jouent Ouais. pas à la radio. Ouais. Ben, s'ils nous écoutent, bonjour. Ouais, on salue les Arcade Fires, donc. Je suis sûr que vous avez juste à faire. Mais en Donc. parlant d'Arcade Fire, es-tu seul qui a été voir leur show à place des spectacles au début septembre cette année? Moi, j'étais à Place Longueuil l'an passé. Il y avait déjà beaucoup de monde. C'est Et ça, le moi aussi, monde c'était là. découvrait Arcade Fire. C'est ça, il y avait combien de monde à Longueuil l'année passée ou quelque chose comme ça? Des 1 000, mais pas le même nombre qu'à Montréal cette année. Ça, à Montréal, c'était facilement Quatre 100 000, je pense. Il y avait au moins 100 000 à la place des spectacles, là. Ben, Oh, ça n'a pas de oui. bon sens, là, 100 000, C'était. loin, on donne, là. Hey, YouTube est capable de Non. remplir ça, là. Arcade Fire l'ont fait à Montréal, ça débordait. Ben, ça a été un gros show de l'année. On peut dire que U2, ça a été pareil, là. Sérieusement, je pense que c'est peut-être le show de l'année. U2 ont fait 160 000 sur 2 soirs. Arcade Fire ont Sur deux fait 100 000 soirs. sur un soir. Ah, ouais, ben, c'est ça, c'est quand même 80 000 personnes. Puis le show Arcade Fire, est-ce que c'était planifié depuis longtemps Oui. ou. Mais hey, faut pas oublier, Arcade Fire était gratuit comparativement à U2 qui était payant. Absolument. Si le show d'Arcade Mais Fire oui. aurait été payant, il y aurait-tu 100 000 personnes qui auraient payé pour Arcade Fire? Je pense qu'il y en Je aurait plus pense de que quatre. oui. Je pense que oui, pour la curiosité que les gens ont de ce groupe-là, montréalais. Dès que tu dis que c'est un groupe montréalais, déjà, tu rajoutes la moitié du curiosité monde. Gratuite, oui. Curiosité payante. Gratuite. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. La veille du show à la place des spectacles, ils faisaient un show Metropolis qui était le même line-up avec Carquois et Kid Koala. Puis tu sais, c'était au Metropolis, on s'entend qu'il n'y a pas autant de personnes qui rentrent que dans la place des spectacles. Puis je pense qu'il a été sold out dans le temps de dire les billets. Ouais, je vais continuer vu qu'on est comme serré dans le temps. Ouais. Je vais y aller avec mon troisième, Black Keys El Camino, celui qui est sorti, je pense, cette semaine ou la semaine passée. Je l'ai pris sur iTunes. Excellent album, chaque chanson est différente. Puis j'en reviens pas comment deux gars, un drum puis une git, réussissent à faire des chansons différentes sur je sais pas combien de CD. Ça fait quoi depuis 2001 qu'ils roulent ce band-là? Ils ont cet album. J'en reviens pas comment ils se réinventent avec un drum, avec une cymbale puis une git. Ils ont l'intelligence, ces gars-là. Ils vont aller loin, puis je suis sûr que ça va être des légendes du rock pour l'avenir. C'est le, il y a le dernier single qui ont sorti justement, que vous allez aller l'écouter sur iTunes, Musique Plus, c'est Lonely Boy qui est en ce moment. Ouais. Avec un clip assez hilarant. C'est hilarant. Ça aurait pu être quelqu'un de n'importe quelle couleur qui aurait dansé ça, mais c'est drôle. Il y a toujours les trois accords avec Dans mon corps, mais tu sais. Ouais, ça, mais c'est quoi je trouve. J'ai juste y aller avec un petit bonus. Skrillex, c'est pas nécessairement bon. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'enfin, un artiste électronique a réussi à amener un nouveau style de musique. En tout cas, musique. Bruit successif. sur l'avant-scène, je trouve que ça fait du bien d'avoir une autre sorte de musique à l'avant-scène parce que là, la pop et l'autotune, on en a franchement assez. Fait que le dubstep, surtout avec les collaborations qu'il a fait avec Korn, des collaborations qu'il a fait avec Benassi pour la tune cinéma, il va chercher pas mal tout le monde et c'est vraiment un style de musique qui se regroupe bien. Mais c'est ça justement. Avant le dubstep, c'était une musique très underground. Puis c'est pas ça. Beaucoup de monde qui écoutait ça. Puis Skrillex a réussi à rendre cette musique-là vraiment mainstream. Je veux dire, à Star, tu vois des shows dubstep. Puis c'est plus du monde avec un look punk un peu qui écoute de la musique électro, mais c'est rendu du bag à Star. C'est ça. Puis si j'ai des chansons à conseiller, bon, celle-là a un titre assez étrange, mais Kill Everybody. Puis la nouvelle First of the Year qui ont vraiment qui sont très, très, très bonnes. Voilà, c'était mon palmarès musique. Là. Je pense qu'Alex, t'en as une coupe de CD. Nirvana, justement, qui fête leur 20e anniversaire de l'album Nevermind. Si vous avez jamais écouté Nevermind, c'est vraiment un album à conseiller. Ça fait 20 ans, puis le son est encore toujours bon. C'était Dave Grohl qui était batteur, puis c'est là que j'arrive avec mon album de l'année, Foo Fighters, Wasting Light, maudit bon rock, sérieusement. Ils ont fait enregistrer ça à l'ancienne avec Butch Vig sur tape, c'est vraiment très beau, là, donc voilà. Y a-tu une chanson dans cet album-là qui a pas été un gros hit, Nevermind? Chaque chanson que t'écoutes, t'es comme « Ah ouais, celle-là, c'est pas... » Toutes les chansons sont populaires, c'est incroyable cet album. C'est ça, tu écoutes Smells Like Teen Spirit, tu vois le clip, t'as des Heart-shaped Box. C'est ça, Heart-shaped Box, Come As You Are, c'est tout bon. Puis il y a aussi All Apologize que faut que tu écoutes en acoustique, là, tu peux voir le MTV Unplugged, là, c'est tellement bon. Là. Belle voix quand même, Kurt Cobain. Je l'écoute encore Unplugged sur mon iPod avec ça. MTV Unplugged, oui. Justement. Là. MTV Unplugged était tellement une différence de Nevermind. C'est ça. Autant le monde qui n'aimait pas Nevermind tripait sur MTV Unplugged, autant le monde qui n'aimait pas MTV Unplugged tripait sur Nevermind. Nirvana avait fait la même année deux albums qui faisaient que tu n'avais pas le choix d'aimer Nirvana. Mm. Tu ne pouvais pas détester ce groupe-là. Kurt Cobain était un poète. Ça l'a été dit. C'était un poète dans notre génération. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'anecdote que je vous avais dit. Quand j'avais appris, moi, la mort de Nirvana, on dansait sur Nirvana pendant un show de cadets. Et quand la toune a été arrêtée, le monde nous annonçait, et là, c'était avant Twitter et Facebook, alors on l'avait appris à la radio que Cobain venait de se tirer une balle. Mm. Alors, on était comme, wow, la coïncidence. Ouais. Ben, un peu comme apprendre la mort de Steve Jobs sur un produit Apple. Ouais, ça a vraiment été quelque chose, la mort de Steve Jobs, Fred sérieusement. T'as-tu appris la mort de Steve Jobs sur ton iPad, toi? La mort de Steve Jobs, je l'ai appris. Je l'ai appris. Ouais, je l'ai appris. Non, je l'ai appris sur mon iPhone, en fait. Là, c'était concept en tabarouette. Ouais. Je me suis levé un matin, puis voilà. Je pense que je l'ai appris une journée après tout le monde. Ouais. Je l'avais appris. C'est une période difficile de ma vie. Ah, je l'avais appris justement sur quand je regardais les messages sur Twitter, ça bipip, tout ça. Puis là, quand j'arrive, j'écoute M. Ney, il nous confirme carrément la mort de Steve Jobs. Là. Tout le monde, tu voyais des chroniqueurs qui étaient comme carrément froids. Ils ne savaient plus quoi dire, là, sérieusement. Là. Puis, Steve Jobs, qu'on aime pas, il a vraiment révolutionné l'informatique, il est devenu un exemple. Puis si vous avez un discours à écouter, c'est vraiment l'université Stanford en 2005, celui qu'il a donné. Là. Si vous avez un discours de Steve Jobs à écouter, c'est celle-là. Oh, and one last thing. C'est ça, c'est ça. Puis pour venir dans les musiques, j'ai quand même vu pas mal de concerts. J'ai vu The Pretty Reckless avec Taylor Momsen. J'ai vu également Raffi et tout ça. Puis voilà. Donc, il y a aussi Evanescence, c'est également bien aimé. Donc, mais Foo Fighters, Wasting Light, si vous aimez le bon rock, c'est vraiment aller. Allez vous chercher sur disque. Sérieusement, c'est sur disque que vous devez l'avoir. Donc, c'est mon choix. Moi, je dirais comme album que je pourrais vraiment conseiller, qui est sorti un peu plus tôt cette année, c'était Endgame de Rise Against. Pour le monde qui aime le punk puis la musique pas mal engagée, je trouve que c'est vraiment un très bon album, ça. Oui, j'ai bien aimé. Il y a aussi justement le single Satellite qui est encore sur les intertubes, tout ça, mais qui fonctionne très bien. Mon frère est allé voir Rise Against, c'est un fan. Puis il adore ça, donc voilà. Bon. Puis sinon, pour une musique un peu différente, il y a le dernier de Red Hot Chili Peppers, que j'avais bien aimé aussi. Hey, c'est ça, c'est des que je me suis acheté cette année. C'est un des seuls que je me suis acheté avec celui de Rise Against aussi. Puis votre poubelle sur disque, musique, Lady... cette année. Lady Gaga, puis comment elle s'appelle l'autre? Katy Perry. Oui, j'en ai un que je pense que pas mal tout le monde va être d'accord. L'album de Lou Reed et Metallica. Ouf! Non, Metallica, moi, c'est. Ils auront beau en faire un mauvais, je vais quand même l'aimer. Non, non, mais avec Lou Reed, excuse-moi, mais c'est plus du Metallica, c'est mauvais. C'est drôle, mais c'est l'album Symphony qui est meilleur que ça. Ah, ben oui. Mais oui, mais là, ouais. San Francisco Symphony, c'était du Metallica leur meilleur, là. Mais non, moi, Metallica, ça va rester Metallica. Ils pourront faire une berceuse de passe-partout, ça me dérangera jamais. c'est juste le fait d'entendre la guitare. Je vois tellement pas James Hetfield chanter pousse, pousse, pousse, les bons gros légumes, là, avec de la grosse zisto, puis c'est comme ça le fait pas. Non, mais c'était juste pour te donner un exemple. Ce gars-là est tellement bon à la guitare. Ces gars-là sont tellement bons à la guitare. Ils peuvent faire n'importe quoi, je vais les aimer. Fait que moi, c'est comme Harry Potter, je vais demeurer. Oui, c'est bon. Ils me feront la poubelle qu'ils veulent si je vais aimer ça pareil. Fait que non, Metallica, je peux pas. C'est pour ça que moi, musique, j'en parle pas parce que moi, c'est comme j'achète 5 CD par année. Mon iPod, une chance que ma blonde écoute du plus de CD francophones que moi parce que sinon, il serait vide. fait que c'est pour ça que moi j'en parle pas parce que c'est Metallica, c'est Bon Jovi, c'est Linkin Park. Ouais. Fait que non, Metallica, okay, si moi j'ai aimé pareil. Si je peux finir avec ma poubelle, moi ça serait vraiment. J'en ai deux en fait. Côté anglophone, ça serait Lil Wayne là, avec le Quarter 4. Écoute, là, regarde, c'est les mêmes paroles avec des beats différents à chaque chanson. Ça revient au même. Il fume des substances, il prend beaucoup d'alcool, il prend son auto, puis ça revient pas mal à ça. Puis ma poubelle québécoise, moi, ce serait Vulgaire Machin, le dernier album. J'ai pu accrocher le discours We Are de 99%. Là. Écoute, non, ça m'a pas fait triper. J'ai hâte que Vulgaire Machin change un peu le style. Là. Depuis Aimer le Mal, je pense que ça revient toujours au même selon moi. Ils reviennent à l'ancienne, voilà. Surtout. Là, donc, c'est ça. Mais pour moi, ma poubelle de l'année, c'est sérieusement, c'est sans surprise, LMFAO, Sorry for Party Walking. Je ne peux pas comprendre comment ce groupe est aussi populaire. Je suis bien d'accord. Le premier clip, Party Rock Anthem, il me faisait rire. Tu voyais le le gars avec la tête de robot en boîte de carton, ça, je trouvais ça drôle. Puis les cheveux un peu, je trouvais ça drôle. Mais là, plus ça avançait, plus je trouvais que ça devenait gossant. Puis sérieusement, Sexy Nanouette, là, à part des gars en string qui se la brassent, je voyais qu'il n'y a aucun intérêt avec LMFAO. C'est des clowns, tu sais. Je pense que tu prends Justin Bieber puis Cody Simpson, ça va donner LMFAO puis c'est bien en masse. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment ça. LMFAO, moi, je suis très content. J'ai rien contre ce groupe-là. Je trouve qu'ils réussissent à se différencier des autres. Là. Il y a moins d'autotune, moins de niaisage. Puis, c'est un groupe comique. Pour moi, je les vois un peu comme une gang d'humoristes qui sont là pour faire la party, qui sont là pour avoir du fun. Moi, je trouve pas ça si dérangeant que ça comme groupe, comparé à beaucoup d'autres là, que Rihanna, Justin surtout, Bieber et Rihanna qui sort un album par 3 semaines. Avec tout plein d'autres artistes. Fait que finalement, elle écrit la moitié des paroles de ses albums. Ça, j'aime pas ça. Tu sais, les Britney Spears et compagnie, là, changer. À un moment donné, changer. Elle a fait quelque chose. ce que j'aime, c'est vraiment le côté fou, le côté malade. On enlève nos pantalons, on fait les wiggles en bobette. Il y a toujours quelque chose qui va nous surprendre de ce groupe-là. Voilà. Non. Mais moi, ça va rester toujours du style Nirvana, Foo Fighters, que je veux vraiment voir en concert. Là. Ils vont peut-être lancer un album bientôt. Donc, j'ai hâte de voir ça, là, sérieusement, ce qu'ils vont donner, Foo Fighters. Puis, pour moi, c'est mon coup de cœur de l'année. Sans oublier peut-être Marimé, je vais faire un petit cliché. Je suis allé la voir en concert, vraiment sympathique comme fille. Là. Et elle s'est mariée d'ailleurs, donc on la félicite avec Fred Saint-Jean, son producteur. Donc c'est un petit cliché un petit peu nuluche. Ceci, ce qui termine la diffusion de ce podcast du 17 décembre dernier. Nous vous remercions de nous avoir téléchargés. Nous vous donnons rendez-vous au retour des fêtes pour les premières émissions officielles du podcast LPSN. Vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter. Alexandre, c'est Tilex. Vous avez QC Fred pour Fred D. Fred, barre d'espacement Lalonde. Et moi-même, qui est Actarus. Surveillez bien nos Twitter. Il est possible que durant le temps des fêtes, si nous faisons quelques Spike Open, comme je pourrais les appeler, des petites émissions improvisées un peu par-ci par-là, où nous parlerons d'actualité dans le divertissement. Alors, on se donne rendez-vous tout de suite après les fêtes. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année et on se retrouve en 2012. Merci beaucoup et à la prochaine.